car c'est ça, Fun Radio. Au moment où tu te réveilles, que tu as envie d'un peu de douceur, eh bien, nous envoyons des sons que tu te prends en pleine tête. Parce que le but, c'est quand même de se réveiller. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mercredi, nous sommes le 28 septembre, je m'appelle Bruno, toute l'équipe de Bruno dans la radio arrive chez vous. On est chez vous là dans deux minutes après les news, il y aura du Sound of Legend, il y aura quoi? Du Major Lazer, avec Coldwater. 6h10, tout ou gagné, tout ou perdu, on appelle le 3228, la famille. Vous êtes en Belgique, qu'à cela ne tienne, 02 85 10 000, ça marche aussi. Brice avec Sib, ce sera également dans la demi-heure, ou encore Jennifer Lopez. Tout ou gagné, tout ou perdu. Si vous arrivez ce matin pour la première fois, vous vous dites c'est quoi? Bah, c'est un jeu qui, là, dès 6h10, va vous permettre de repartir avec une PlayStation 4 ou encore un écran LED. 3228, on fait de la radio ensemble, on arrive chez vous après les news. Fun Radio, le son Dance Floor. Les infos de ce mercredi 28 septembre, c'est tout de suite avec Max Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous, bienvenue sur Fun Radio. On commence par la météo et du soleil aujourd'hui. Quelques nuages un peu de pluie au nord en tout début de matinée, mais ça va très vite se dégager. Les températures sont en hausse, 12 à 17 degrés ce matin. Dans l'après-midi, sous le soleil, 18 à Brest, 19 à Dunkerque, 20 degrés pour La Rochelle, 23 à Tours, 24 à Paris, 25 à Lyon et Ajaccio, jusqu'à 28 degrés à Nîmes. La mort de Shimon Peres, l'ancien président israélien et prix Nobel de la paix, est décédé cette nuit à l'âge de 93 ans. Il a été victime d'un AVC. Il était l'un des principaux artisans des accords d'Oslo qui ont jeté les bases d'une autonomie palestinienne dans les années 90. Vers une hausse de la taxe attentat, selon l'Argus de l'assurance, la contribution pourrait passer de 4,30€ à 6,50€. Ce serait l'une des pistes envisagées par Bercy pour réformer le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme. Cette taxe est prélevée sur chaque contrat d'assurance depuis 1986. 3 ans et 10 mois, c'est le temps que passe en moyenne un Français dans sa voiture au cours de sa vie. Résultat d'une enquête CSA Recherche pour Citroën dévoilée ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France. Et le Français ne fait pas que conduire puisqu'il y chantera à 4800 reprises et parlera tout seul 3600 fois. De la natation au handball, il n'y a qu'un bras. Florent Manaudou a choisi hier de faire une parenthèse. Le champion olympique va désormais jouer au handball. Il intègre l'équipe réserve d'Aix-en-Provence. Son passé agent professionnel est loin d'être acquis, mais Manaudou veut avant tout prendre un plaisir différent et s'offrir une parenthèse. Le football, pas de victoire pour les clubs français. Hier soir en Ligue des Champions, on jouait la deuxième journée des phases de groupe. Un but partout entre Monaco et Leverkusen, défaite 1-0 de Lyon sur la pelouse espagnole de Séville. Ce soir à 20h45, le PSG se déplacera en Bulgarie pour affronter Ludo Goretz. Il est 6h32, bon réveil avec toute l'équipe de Bruno dans la radio sur Fun, c'est parti. Bruno on Fun Radio. Mercredi, c'est le 28 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez. Il est 6h03. Bonjour. Vous savez qu'on a des réflexes, j'ai le réflexe de regarder systématiquement l'horloge qui est en face de moi pour vous donner l'heure, sauf que là ce matin il y a juste quelqu'un devant qui est avec le Snapchat en train de filmer. C'est donc, notre Ludo. Donc Ludo, du coup tu sais que je ne vois pas la pendule là, dans ces cas-là, je vois le gars et t'es pas transparent. Bon, toute l'équipe de Bruno dans la radio, on est là, on est en pleine forme. Il y a Christina qui est là ce matin. Bonjour à tous. Elle a fait péter le tailleur de secrétaire de direction aujourd'hui. C'est une robe. Oui, bah, robe tailleur. Oui. Avec le décolleté ça et vous tout plaît ça. Ça sent le rendez-vous. Même pas. C'est pour vous, pour me faire plaisir déjà. Et pour vous faire plaisir. Eh bien, ça nous fait plaisir. Et c'est un grand plaisir. Comment ça va, Vacher? Ça va. Moi, c'est pas pour vous faire plaisir. Vous noterez que je fais aucun effort vestimentaire, mais bon. Eh, je vous aime. Est-ce que c'est pas là le plus important? Bien sûr. Les sentiments, tu vois ce que je veux dire. Ça va, Elliot? Moi, ça va. Je vous avais prévenu il y a 15 jours. Genre, ouais. J'ai un fameux t-shirt où j'ai fait un fameux trou. J'ai dit deux fois fameux. Et je le remets régulièrement. Alors aujourd'hui, c'est le t-shirt au trou. Me dites d'accord. Pas toute la journée, Elliot, t'as un trou et tout. Je sais. C'est... D'accord. Parce que voilà, j'aime bien quand même la coupe et tout, alors d'accord. C'est pas un trou qui va tout gâcher. Après, on n'avait pas forcément prévu d'en parler, hein, si ça peut te rassurer. Et toi, en revanche, Bruno, ton t-shirt est transparent. Ah ouais? Tu joues sur la transparence aujourd'hui. Ouais, je sais pas, peut-être. Bah non, c'est sexy. Bah, on voit mon soutif mais ou pas? Mais c'est bah oui, mais t'aurais dû mettre sans bretelles. T'aurais dû mettre un soutif. Ah, mais attends, mais tu vois, à chaque fois, je fais pas gaffe. Ben oui, mais c'est... Je m'enflamme. Là, ça fait un peu cagole. Je préfère te le dire. Est-ce que t'as eu ma French manucure? C'est surtout ça. Bon, 6h04, comme chaque matin, l'émission du jour, elle est dédiée à un auditeur de Fun Radio. C'est l'auditeur qui, jusqu'à 9h15, aura les clés de cette émission. La ligne directe pour intervenir à l'antenne, faire ce qu'il veut. Et ce matin, l'auditeur du jour, c'est une auditrice, elle est de Clermont-Ferrand, elle a 26 ans, c'est Émilie. Applaudissements pour Émilie. Bonjour la famille. Bonjour Émilie. Qu'est-ce que tu fais de beau du côté de Clermont-Ferrand, du haut de tes 26 ans, Émilie? Eh bien, je suis conseillère de vente à domicile. Conseillère de vente à domicile, mais vente de quoi? Dans les produits ménagers. Voilà, j'en dis pas plus, il faut voir le produit en fait. Donc je peux pas en dire plus. Ok, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes qui peuvent pas parler de leur boulot au monde, les gens qui bossent au FBI et les gens qui vendent des produits ménagers à domicile. C'est vraiment les deux professions. Si jamais tu le dis, t'as un gars qui peut arriver derrière toi en loose day, c'est-à-dire au moment où tu dis mais c'est quoi les produits ménagers, qu'est-ce qu'il y a, tu commences à parler, tu dis bah les produits ménagers c'est hop et il te tue. T'as pas le droit d'en parler. Non, mais à moins qu'elle vende des produits genre pour adultes, tu vois. Mais tu peux tout dire. Elle peut pas hein. le dire. Peut-être. Et Mélisse, non. Non, c'est pas ça. Non, c'est qu'en général, quand je parle de la chose, les gens sont réticents. Donc c'est pour ça. Tu sais quoi, on va pas être réticents. Nous, moi j'ai envie ce matin. C'est toi la patronne de l'émission, tu sais quoi, hop, télé-shopping. Bruno, on rigole pas avec Monsieur Propre, fais attention. Alors, Émilie, vas-y, nous t'écoutons. Quel est donc ce produit miracle que tu vends à domicile? C'est un appareil révolutionnaire dans les systèmes à nettoyage à puissance professionnelle et industrielle. C'est ce qui va remplacer en fait tous les aspirateurs. D'accord. Depuis des génies dans le domaine donc, de l'hygiène et la santé. D'accord, très bien. Mais comment s'appelle cet appareil révolutionnaire? C'est le VacuumTech. D'ailleurs, je fais un gros coucou à toute l'équipe de VacuumTech. Le VacuumTech. Mais toute le vacuum l'équipe tech. De VacuumTech te remercie. Mais alors, le VacuumTech, tu dis, va remplacer l'aspirateur. Est-ce qu'il a un sac? Il a pas de sac? Comment ça se passe? J'ai pas le droit d'en dire plus. Bon, il a un sac, mais voilà, c'est vraiment le côté hygiénique qui ressort. Donc, d'accord, elle a pas le droit d'en dire plus, comme je vous disais, voilà. C'est le FBI. Il y a des gens qui vont arriver derrière et qui vont lui tirer une balle dans la tête. Le Vacuum Tech, eh bien, je suis ravi que tu aies parlé du Vacuum Tech ce matin. Vraiment. Émilie, alors tu sais que ça te donne un droit, le fait d'être l'auditrice du jour, ça te donne le droit, eh bien, de poser une question à n'importe quelle personne de l'équipe. C'est la question de l'équipe. Et alors, bah, tu la poses à qui? Eh ben, Mika du JPI. Ah, Mika du JPI, la vedette. Si peu. Bah, tu fais de la télé, il a fait la télé, il y a rien. Monsieur Mika du JPI de la télévision de W9 de l'émission de Bertrand Chameroy. Vous avez été nombreux d'ailleurs à lui envoyer des messages de soutien, à le féliciter, donc merci. Ouais, exactement, merci à toute la famille. Ouais. Était là, histoire. C'est pas Chameroy. Il est plus petit que la télé, non? C'était OVNI sur W9 hier, mec. Je suis désolé, je me suis endormi à 21h30, j'ai pas vu, mais en tout cas, les critiques sur Twitter sont excellentes. Ouais, elles sont plutôt bonnes. Bah, mais très bien, ça mec qu'on aime bien en plus, Bertrand. Émilie, c'est quoi ta question pour Mika? Eh ben, j'ai vu qu'il avait fêté donc les 3 ans de sa fille le week-end dernier. Ouais. Et ben, je voulais savoir qu'est-ce qu'elle avait eu comme cadeau. Un sextoy. On avait dit qu'on n'en parlait pas ici. Non, alors c'est surtout qu'est-ce qu'elle a pas eu. Elle a été overgâtée. Ce que nous, on lui a acheté ou tous les cadeaux qu'elle a eu? Parce non, que sinon, bah, on juste pour deux ce heures, que t'as acheté toi, ouais. Elle a eu une maison de poupée, elle a eu des vêtements, elle a eu des livres, elle a eu un appareil photo pour faire des selfies. Ça existe. Et ce qu'elle a préféré par-dessus tout, alors que c'est ridicule, elle ne sait pas en faire, c'est une corde à sauter. Voilà. Tu sais, on a tous eu un cadeau petit, je pense, qui a marqué notre vie. Ah bah bien à sûr. Tous. Moi, je sais que moi, mon cadeau, le premier truc, mais tu vois, de souvenir de môme où je repense, je peux pleurer, c'était le château des cow-boys des Playmobil. Waouh! Ouais, t'as eu dû mettre 1000 ans à le construire en alors, revanche, non? Non, mais je m'étais aidé de mes sœurs, mais c'était, tu sais, l'époque des cow-boys, guerre de sécession et tout ça. J'avais le château des Playmobil, époque cow-boy. Je peux te dire que. Et il est encore chez mes parents. C'est vrai. Plastique et tout, bien sûr. Et moi, tu vois, mes parents, ils savaient pas que j'étais teubé. Ils auraient dû m'acheter des Playmobil. Enfin, je dis pas ça pour toi. Parce que moi, ils m'achetaient des Lego. Sauf que moi, j'étais trop teubé pour construire. Et donc, j'ai jamais réussi à construire le vaisseau spatial qu'ils m'avaient acheté en Lego. Émilie, c'est quoi, toi, le cadeau souvenir de quand t'étais gamine qui t'a jamais quitté? Moi, c'était le téléphone secret à l'époque que j'avais. Oh, je m'en rappelle, c'était génial. T'as vu, c'est quoi? Je suis sûr que vous, là, qui êtes en train d'écouter la radio, vous avez en souvenir le premier jouet qui vous a marqué de votre vie. On peut en parler, on peut refaire de la radio avec, tiens, 3228. Ça va rappeler des souvenirs à tout le monde. Émilie, on te fait des bisous, ma chérie. Merci, bisous à tous. Bisous. Passez une belle journée. Et on te met en plus en photo sur la page Facebook. Avec la team, c'est la photo du jour là qu'on est en train de mettre en ligne. Réseaux sociaux avec le hashtag Bruno Fun Radio, les amis, on est là sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur Snapchat. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning. Avec Justin Bieber, il est sur la compile Bruno dans la radio qui est sorti la vendredi dernier, disponible dans les bacs. Yeah. 3 CD avec 60 titres. 3 CD, j'ai vu, c'est bien fait. Au début, c'est un CD d'accueil. Après, c'est pour débuter la soirée tranquille. Ouais. Et après, c'est quand la soirée part, boum, tu mets le troisième CD et hop, là, tu peux faire la fiesta. Et après, il y a une page blanche pour marquer les numéros des gens que tu peux pécho dans la soirée. Vraiment, ça a été bien, bien calculé. Actuellement dans les bacs, les amis. Sib, ça arrive. Aujourd'hui, c'est la Saint-Venceslas. Je le dis parce que ce mot me fait rire. Voilà, tous les ans, le jour de la Saint-Venceslas, j'ai envie de faire un bisou au Venceslas qui nous écoute. Il y en a deux. Hein. Et ben justement, tous les ans, je lance le message. Si tu t'appelles Venceslas, passe une tête au 3228. Voilà. Moi, je peux t'offrir un cadeau. Tu sais quoi? Tu t'appelles Venceslas, je pense que tu mérites un cadeau. Et tous les ans de ma carrière, j'offrirai un cadeau le... c'est quoi, 28 septembre, ouais, au Venceslas. D'ailleurs, Venceslas, tu t'appelles Venceslas, on dit pas ça, Venceslas, on dit ça va. Venceslas. Venceslas. Ouais, je pense que tu le prononces comme si t'étais au théâtre. Je sais même pas si ça existe vraiment. Et si t'arrives, on dit comment tu t'appelles? Venceslas. Ah, faut le dire comme ça. Bah, Venceslas. Oui. Je pense, oui, c'est obligé. Alors que tu t'appelles comment? Elliot. Ouais, c'est ça. Venceslas. Qu'est-ce que tu veux, vacheux? Est-ce que vous vous souvenez, voilà, du premier jouet qui vous a rendu ouf quand vous étiez petit? Voilà, c'est l'auditrice du jour là qu'on a eu au téléphone tout à l'heure. On parlait de ça avec Mika là, qui a offert un cadeau à sa fille de 3 ans. Moi c'était les Playmobil, le château fort des cowboys des Playmobil. Ça a été, il y a eu un avant un après dans ma vie. Le Noël d'après, j'avais eu la diligence des Playmobil. Oh. Donc petit à petit, je m'étais fait un gros délire. Mal. Mais le problème, c'est que moi, j'ai pas eu d'enfance. J'ai eu que des cadeaux chelous. Parce que moi, les Playmobil, typiquement, j'arrivais pas à jouer. Genre, j'arrivais pas à me faire une histoire. Genre, oh là, pam, pam, pam, pam, tutoie, tutu, machin. Voilà. Non, mais t'y arrivais, toi? Bah, c'est avoir l'imagination. Tous les enfants, je pense. Moi, je déteste ça. J'ai pas eu. Déjà sur les Playmobil, tu foirais déjà. J'ai pas eu un Playmobil de ma vie. Genre, j'ai rien eu. Et genre, le meilleur cadeau que j'ai eu, peut-être, c'est une batterie, une vraie batterie que m'avaient offert mes parents. Et les voisins, ils ont voulu porter plainte. Donc, voilà. C'est le seul enfant qui ratait les improvisations quand il jouait avec des personnages. Genre, bonjour, vous êtes qui? Eh bien, je suis. Je sais. Ah merde, je sais pas. Bon, je vais au lit alors, du coup. Aucun qui. Oui, Elias, si ça peut te rassurer, ma fille de 2 ans et demi, déjà, elle joue avec les Playmobil. Mais non, mais genre, et les Action Man et tout, pareil, j'ai jamais eu un Action Man, j'ai jamais eu un mécano, ni rien du tout. Tu t'es trompé, hein, c'est un psy. Je t'assure, prends rendez-vous. Hein. Allez, 6h15, on joue. Amandine est toulonnaise. Elle a 28 ans, Amandine, et elle est employée de mairie. Applaudissements pour Amandine. Bonjour Amandine. Bruno, bonjour la famille. Bonjour les amis. Comment ça va? Super contente d'être avec vous, super. Disons que t'as une voix mais craquante. Oh Amandine. Merci. Mais je te dis vraiment. Tu bosses à la mairie de Toulon? Non, pas de Toulon, de mon petit village. Dans un petit village à côté de Toulon, d'accord, très voilà. Bien. Amandine, ma chérie, bah tiens, avant de jouer ensemble, là, je te pose la question. C'est quoi, toi, le souvenir que t'as de ton premier jouet qui t'a fait kiffer? Le souvenir le plus fort, c'est quand j'ai reçu mon premier vélo. J'avais 10 ans et en fait, je m'en souviens parce que mes parents, ils me l'avaient caché. Ils m'avaient dit non, on t'achètera pas. Et je suis tombée dessus 2 semaines avant et j'étais tellement émue qu'ils m'aient caché ça que le jour où ils me l'ont offert, j'ai pleuré et voilà. Et j'étais hyper, hyper émue. Ils avaient préparé la surprise à l'avance. Et c'est un vélo. Tu faisais avec des roulettes ou pas? Ah non, j'avais 10 ans. Ah bah 10 ans. C'est mon premier VTT. Bon, Amandine, et ben voilà un autre cadeau dont tu vas te souvenir. Une PlayStation 4. Je rajoute un téléviseur écran LED 32 pouces. Je rajoute une enceinte Philips et la compile Bruno dans la radio. C'est ce que tu viens de gagner là en arrivant sur Fun Radio. Oh là là, énorme. Maintenant, il faut garder ces 4 cadeaux. Ouais. Et pour les garder, il faut répondre correctement à 4 questions. Hier, on a eu un toutou perdu, ce qui arrive très très rarement. Mais et la veille, dernière, un toutou gagné. Exactement. Donc, ça peut se faire. Est-ce que tu es prête? Bah ouais. Eh ben c'est parti. Un joueur de ping-pong est appelé un ping-pongman. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux. C'est un pongiste. Bon, c'est... oui. C'est un pongiste. Ne pas confondre avec un plagiste. Oui, bien sûr. Merci, Eliott. Oh là là là là. Mais tu sais, il y a des journées, tu sais comment Eliott va partir. Aujourd'hui, je sais que c'est une journée où ça part mal. T'imagines Ping-Pong-Man qui a des super pouvoirs comme Superman? Qu'est-ce qu'il pourra avoir comme pouvoir? C'est énorme. Écoute, je sais pas si un jour, tu te retrouves. Mon Dieu, je suis agressé dans la rue. Mais qui faut-il appeler dans ces cas-là? Je ne sais pas. Superman, il peut pas. Ping-Pong-Man. Bonjour, c'est moi, Ping Pong Man. Voici mon super pouvoir. Avec une balle de ping pong. Ah, ça ne fait pas très mal une balle de ping pong. C'est le problème. Surtout, je fais des signes depuis 10 minutes à Fonf qui réalise cette émission pour qu'il envoie un bruit de balle de ping pong. Je vous explique pas. Alors, Fonf qui réalise cette émission aujourd'hui, mais je le vois aussi, c'est pas. Je vous connais tous par cœur, l'équipe. Fonf, t'es pas dedans ce matin. Tu dors, mec. Tu dors. Je suis dedans, mais pas dans le studio. Depuis, c'est ça. Depuis 6h du matin, mec. Donc vous l'entendez pas à l'antenne parce qu'il s'occupe des coulisses de l'émission, mais depuis 6h du matin, il m'enchaîne des trucs qu'il ne fait pas. Et là, je lui fais signe, genre de la balle de ping-pong, et il me regarde. Genre... Ouais, mais... Je ne comprenais pas ton signe, mais alors pas du tout. Bah, c'est-à-dire. Le gars, l'épée. Le regard, vous savez quoi? Pour vous donner une image un peu à vous qui écoutez la radio, le regard de Fonf depuis 6h du matin, c'est ça. Ouais. Il y a du vide qui passe derrière ses yeux. Celui d'Eliott, c'est... Les gars, j'espère que... Alors, qui est avec moi ce matin? Vous savez quoi? On va faire l'appel. Amandine, je bouge pas. Je suis là, Bruno. Christina, t'es là? Vaché. À présent, D'accord. Le web, c'est bon? Vous êtes là? Nicolas, Meryl, ça va? Ouais, ils ont fait un signe de la main, d'accord. Genre bof, ils sont bof. Le là, standard, vous êtes là? Ouais, on est là! Très bien, merci. Ils en font trop, donc c'est-à-dire qu'ils sont pas là non plus. C'est le retour des 5%. Bon, Amandine. Ouais, moi je suis là. Non, très bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne réponse. Voici la deuxième question. Le cœur est le seul organe du corps humain capable de se régénérer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je pense que c'est faux parce qu'il me semble que c'est le foie. Et il te semble bien, c'est le foie qui peut se régénérer. Le cœur, non, hélas. Bah non. Tu gardes tous tes cadeaux. Troisième question. Tribord C'est le côté droit d'un navire. Ça, c'est vrai. Il y a un moyen pour s'en souvenir, c'est batterie. Bas-bord à gauche et tribord à droite. Bruno, excuse-moi. J'ai découvert ça la semaine dernière. Elle est beaucoup trop intelligente, ça commence à m'énerver. Depuis le moment, elle a une petite anecdote, elle connaît tout. Ça va, madame, je sais tout. Ça va, on le sait qu'on est des gros teubés. Tribord, c'est qu'un i comme dans droite. C'est pour ça, moi, c'est comme ah, ça. Ah, tu retiens comme ça, toi. Mais ça marche aussi. On est à trois bonnes réponses. C'est voici. Bon, ça. Ouais, la dernière question. Les habitants de Bourg-en-Bresse s'appellent les Bourg-en-Bressiens. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? T'as dit les Bourg-en-Bressiens? Ouais. C'est moins facile, là. C'est moins facile, mais... Dis donc, tu serais pas en train de regarder sur Internet pendant que je te parle avant d'aider. Non. Parce non, mais... Je crois que c'est Burgi quelque chose. Certes, mais... je suis animateur de radio. Mais enfin bon, le... Non. Bon, tu dis oui ou non? J'ai dit c'est faux. Et c'est une bonne réponse, c'est tout au gagnant. Bravo! C'est cool! Amandine PlayStation 4 TV LED, 32 pouces, enceinte Philips et compile Bruno dans la radio. Ce sont tes cadeaux ce matin. Trop bien. Merci. On te fait des bisous, ma chérie. Merci, je vous embrasse. Merci, la famille. Bisous. À bientôt. Ciao. Alors, ça intéresse personne, mais c'est les Burgiens. Ou les Burgiens, je sais pas comment on dit, les habitants de Bourg-en-Bresse. Les Burgiens. Ouais, bon, ça intéresse personne, par contre. On avait prévenu. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Jennifer Lopez, c'est ce qui arrive sur Fun Radio. Ah, et maman. En fait, elle dit ça. Ah, et maman. Regarde, je le dis bien. Pas tout ah, à maman. Fait. Ah, maman. Et maman. Et maman. Ouais, bof. Ouais, non, je le tiens pas super. Merci de me le dire. Chiffre du jour, ça va arriver tout à l'heure, 6h30 sur Fun Radio. Que nous arrive-t-il en moyenne 141 fois au cours d'une vie dans une voiture? Est-ce que c'est pas baisser le son quand on cherche une place? Parce qu'on a l'impression que genre on est meilleur, c'est on vrai. Est mieux concentré, tu vois. C'est vrai que je fais ça moi aussi. Au bout d'un moment, au début tu le fais pas. Et dès que tu commences à t'énerver, tu. Ah putain, tu baisses le son, genre ça va m'aider à trouver une place. Ah non, mais moi-même, systématiquement, je crois que quand je fais un créneau, je baisse le son. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Ah bon. C'est très con, c'est un réflexe à la con. Mais c'est pour mieux te concentrer, en peut-être, fait. Je sais pas. Bon, c'est pas ça. Mais c'est un rapport donc avec ce qu'on peut faire dans la voiture. 141 fois au cours de notre vie, on fait un truc dans une voiture, d'après vous, c'est quoi? Elliot, non, ce n'est pas faire l'amour. Je m'arrête tout de suite. D'accord. Voilà. Déjà, dans la vraie vie, c'est compliqué. Alors, dans une voiture, c'est compliqué. 32-28. On fait de la radio ensemble. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls? Bruno dans la radio. Il a la classe. 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. Quel est le jouet qui vous a marqué quand vous étiez petit? Voilà, on est parti de ce sujet-là avec l'auditrice du jour. C'était Émilie, hein, je crois, qui a attaqué l'émission avec nous ce matin. Oui. Et qui a posé la question à Mika du JPI, qui a fêté l'anniversaire de sa fille, qui a lui offert plein de cadeaux. Vas-y, ouais, y a des cadeaux qui marquent. Moi, c'était les Playmobil. Château de Playmobil, moi, ça m'a... Je pourrais rejouer avec, d'ailleurs, pour être très honnête. Vachier, c'était quoi, tu nous as dit? Alors moi, j'avais parlé des Lego, mais c'est pas le truc qui m'a marqué le plus. En vrai, c'était un boomerang que j'ai eu quand j'avais 6 ans. Et dans les dessins animés, il revenait tout de suite, etc. Et ouais. Je vous jure que c'est vrai, la première fois que je l'ai utilisé, c'était dans un champ à Grésillac. Il n'est jamais revenu. Et je vous jure que c'est vrai, je l'ai cherché pendant 5, 6 ou 7 ans, je ne sais plus. Et je vais, parce que c'est un pré dans lequel je promène mon chien quand je vais là-bas. Et à chaque fois, je regardais, je me disais, il est peut-être sous la terre et tout. Je ne l'ai jamais retrouvé. Alors, si vous trouvez un boomerang à Grésillac, il est marron avec une bande jaune au milieu. D'accord. Et un kangourou noir dessus. Mais c'était il y a combien de temps? C'était, je sais pas, j'avais 6 ans, donc ça va faire 24 ans. Ah bah écoute, 25. Peut-être, ouais, on sait jamais, si jamais il revient. Ouais, merci. Merci. Ouais. Il arrive. Mickaël à Bordeaux, il a 28 ans, salut Mickaël. Salut la famille. Salut mon pote. Mickaël, c'était quoi le jouet qui t'a marqué quand t'étais petit? C'était pas un jouet, c'était un petit chien que mes parents m'avaient offert pour mon Noël. Mais alors tu as une bonne réponse, ça, il n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jouet tout à fait, c'est mes parents qui m'avaient payé un voyage. Non mais ça n'a rien à voir. Et puis c'était pas mes parents, c'était un petit chien qui est vraiment très affectif avec les enfants. Et vu comment mes parents me l'avaient présenté pour mon Noël, ça m'avait mis en pleurs complet. Et après voilà, j'avais complètement flashé sur le petit chien. Non mais c'est trop mignon. Et après je l'ai mis dans la machine à laver pour le nettoyer. Puis bon, effectivement, ce n'est pas un jeu. Mickaël, il s'appelait comment ce chien? Lucky. Ah. Et Lucky, il est mort depuis. Hein. Oui. Il est au paradis des chiens. Oui. Ça va, tu le vis bien, Mickaël? Oui, je le vis bien. Alors que c'était le cadeau qui te faisait rêver quand tu avais 6 ans, et déjà 22 ans après, tu es passé à autre chose? Non, j'ai toujours pris un autre chien et c'est toujours la même race. Oui. Ah, bah alors pour toi, on remplace par la même race et puis c'est la même chose. Bah, bravo. Bravo. C'est comme si quand tu perds tes parents, tu prends deux autres parents, tu t'en sors. C'est des humains aussi. Ouais. C'est des vieux qui se font pipi dessus, c'est la même chose. Allez, on remplace par ça. Bravo. Eh bien, Mickaël, moi je pense à Lucky ce matin et Lucky nous regarde et nous écoute. Et il a le cœur en peine, Lucky. Bien sûr. Arrête, tu vas le mettre mal pour toute la journée. Et honte de toi, Mickaël. Non, c'est que j'écoute Bruno dans la radio le matin, donc je peux pas être mal, Christina. Ça va, alors c'est une bonne réponse. On te fait des bisous, Mickaël, on t'embrasse. Anthony, il est à Saint-Etienne. Bonjour, Anthony. Bonjour, la famille. Salut. C'est quoi le cadeau qui t'a marqué quoi, quand t'étais petit? Moi, j'avais 7-8 ans. C'était l'Action Man avec son vélo. Ah, l'Action... Avec son vélo? C'est lequel, celui-là? Non, sur Action Man. Moi, Action Man, je l'ai connu avec des chars d'assaut, avec des jeeps, avec des hélicoptères qui lançaient des grenades. Mais le Action Man à vélo, il était un peu... il était gay man, hein, quand même. Ah, c'est ça, t'avais des Action Man hors série, Action Man à vélo, Action Man et son salon d'esthéticienne. Action Man et poussette. Action Man et son kit de manucure. Allez, Action Man, fais-toi belle pour ce soir. C'est ma mission, je mettrai la plus belle des jupes. Action Man et sa paire de Louboutin. Attention Action Man, peut trébucher. Mais c'est pas facile de marcher avec des talons, salope. Il y a un conflit en Syrie, mais qui on peut appeler? Action Man. Est-ce que t'as le Action Man avec l'hélicoptère? Non, je l'ai pas, t'as lequel? J'ai le Action Man qui fait de la cuisine. Action Man, prends-moi une omelette norvégienne. Anthony, l'Action Man à vélo, bah, il doit être collector. Regarde-le, mon pote. On t'embrasse, oui, Elliot. Il l'a mal vendu, c'est l'Action Man qui ridait, tu sais, le vélo de BMX là, et dans les montagnes. Parce que nous, on imaginait le vélo avec le petit panier dedans et son chat. Ouh, c'est Action Man. Je suis allé au marché, regardez mes tomates. Vous voulez voir mes ballerines? Audrey, elle est à Metz. Bonjour Audrey. Bonjour la famille. Salut. C'est quoi le cadeau qui t'a marqué quand t'étais petite? Moi, c'était un train. Ah, c'est le petit train électrique? Non, un vrai train, mon père m'a mis dedans, et puis bon, j'ai traversé un mur, et puis... Moi, et le premier train électrique, c'est kiffant. Ah, t'en as eu un, toi aussi? Ouais. Mais après, tu sais, j'avais paumé les rails, donc c'est compliqué. C'était un peu dur. Quand t'avais des circuits de voiture, tu vois, où tu contrôlais toi-même la vitesse de la voiture, tu devais faire des loopings et tout, je comprends. Mais le train, t'avais rien à faire. T'appuyais sur un bouton, il tournait en rond. Tu regardais, quoi. Tu changeais même pas la vitesse, je crois. Et bah, à l'heure des vaches, font ça toute leur vie. Ça les rend moins cons que quelqu'un d'autre. Tu te compares donc à une vache, toi, enfant. Sur Twitter, il y a plein de réactions avec le hashtag Bruno Fun Radio. Il y a Coralie, moi, qui m'emmène très loin. Je ne sais pas si ça va vous parler. Le jouet de son enfance, c'était le télécran. Oh, bah, c'est un écran magique. C'est une espèce d'ardoise où tu avais deux gros boutons blancs. L'ardoise était rouge. Ouais. Et en fait, tu les tournais pour faire des dessins et tu pouvais effacer en secouant. C'était un peu l'iPad des années 80. Ouais, c'est ça. Audrey, je te fais des bisous, ma chérie. Bisous. À bientôt. Oui, Elliot. Moi, je préférais les jouets d'adultes. Je jouais avec. On avait offert un truc à ma mère. Et là, je te demande. N'en parle pas. N'en parle pas. On sait ce que c'est. Non, vraiment. C'est un jouet d'adulte. On peut pas en parler. Par contre, ça peut plaire à Action Man et son vélo. Action Man et le truc qu'on se met dans les fesses. Vous m'avez grillé. Mais qu'est-ce qui se passe, Action Man? Je peux pas parler en ce moment. Laisse-moi tranquille. Sound of Legend, c'est le remix de Blue, la version 2016. À tout de suite. Fun Radio, le son Dance Floor. Maxime Poulaouec pour les premières infos de ce mercredi 28 septembre. Salut Max. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On commence par la météo. Encore quelques nuages accompagnés d'un peu de pluie vers le nord, mais très vite ça se dégagera et le soleil reviendra sur ces régions. Un soleil qui brillera déjà partout puisque la journée sera belle et agréable. Les températures en plus seront en hausse. 12 à 17 degrés ce matin. Au plus chaud prévoyez 18 à Dunkerque, 21 à Lille, 22 pour Aurillac, 23 à Reims, 24 degrés à Paris et Tarbes, 25 à Lyon et Bordeaux, jusqu'à 28 à Avignon. Shimon Peres est mort, l'ancien président israélien s'est éteint cette nuit à l'âge de 93 ans. Il avait été hospitalisé il y a deux semaines à la suite d'un AVC. Prix Nobel de la paix en 1994, il avait œuvré pour les accords d'Oslo afin de poser les premiers jalons d'une résolution du conflit israélo-palestinien. Le combat des employés d'un Conforama dans le Gard, ils se mobilisent depuis plusieurs jours à Nîmes pour protester contre le licenciement de leur directeur le 19 septembre dernier pour insuffisance professionnelle. Les salariés ne comprennent pas cette décision. Le magasin affiche une belle progression des ventes cette année. Les devoirs de vos enfants, ça vous stresse? En tout cas, un parent d'élève sur deux n'est pas serein pendant les exercices de ses enfants. Selon un sondage Ipsos pour le site de soutien scolaire Scula ce matin, en cause le manque de temps, de patience, voire de connaissances. Il quitte les bassins pour les gymnases. Florent Manodou a décidé hier d'arrêter la natation. Le champion olympique se lance désormais dans le handball. Il s'est engagé avec l'équipe d'Aix-en-Provence en tant qu'amateur. Il jouera pour le moment avec l'équipe réserve. L'ex-nageur veut s'offrir une bulle d'air et prendre un plaisir différent. Le football avec la suite de la deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Ce soir, le PSG se déplacera en Bulgarie pour affronter Ludogorets. Coup d'envoi 20h45. Hier, les clubs français n'ont pas brillé. Lyon a perdu à Séville 1-0 et Monaco a fait un but partout à Leverkusen. Il est 6h32. Bon réveil sur Fun Radio. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais. 6h-9h on Fun Radio. Bonjour la famille, mercredi c'est le 28 septembre. Merci d'être là, le hashtag Bruno Fun Radio là sur Twitter, les amis, si vous avez des messages à balancer. Encore beaucoup de gars qui balancent des messages concernant le sujet sur les jouets quand on était petit avec des photos. Il y a Mylène qui dit: moi le cadeau qui m'a marqué quand j'étais petit, c'était un bébé noir qui est toujours chez mes parents. C'est vrai qu'il y a eu des poupons black à une époque. Bah oui, oui. Mais c'est vachement bien. Je trouve que justement, c'était un synonyme d'ouverture dans les années 80-90. Le problème, c'est qu'il lui avait fait une tête un peu chelou. Il fait un peu peur quand même, le personnage. Le bébé de lancer aussi. Il y a des photos de bébé de lancer. Il y a des cadeaux de trucs de ouf dont je ne savais même plus l'existence. Le tricky bille. C'est quoi? Ah, j'ai eu des billes moi aussi. C'est Julien Laine qui a posté ça avec le hashtag Bruno Fun Radio. C'était un parcours. Tu mettais une bille et il y avait des pièges. Fallait que tu la fasses avancer jusqu'au bout du parcours. Il y a Julie aussi qui montre un truc que ma sœur avait, c'est la poupée qui fait pipi. Tu lui mettais de l'eau dedans et elle se pissait dessus. Voilà, c'était le jeu de la journée. Et tu devais la changer. À être contente avec tes parents plus tard. Ça lui rappellera des souvenirs. Vous avez eu Major Lazer pour attaquer l'émission. Et vous avez aimé, ça tombe bien, Justin Bieber reviendra tout à l'heure. Il y a également Sound of Legend qui va arriver, mais pour l'instant, chiffre du jour. C'est le chiffre du jour. Le chiffre de ce mercredi matin, 28 septembre, C'est le Parisien aujourd'hui en France qui nous a filé l'info ce matin. La question que je vous posais est la suivante. Que fait-on en moyenne 141 fois au cours d'une vie dans une voiture? Est-ce que c'est pas se faire gauler quand tu chantes très très fort? Moi je sais que je hurle dans ma voiture quand j'aime vraiment une chanson. T'oublies que la fenêtre est ouverte et là tu t'arrêtes à un feu et là tu vois que le gars te regarde parce que t'es en train d'hurler dans ta voiture. C'est pas ça? Non. C'est vrai que la dernière fois que j'ai chanté dans une voiture, je me suis tapé la honte parce que j'étais en train de hurler. Vous voulez que je vous mette le titre ou pas? Vas-y. Sur ça. Ah, ouais. Ah, je vois carrément le délire. Et bah, tu sais quoi? Ouais. C'est la honte. Bah, oui. Mais ça, c'est une chanson qui se crie, je trouve. C'est pour ça. D'ailleurs, pas les paroles, mais ah ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas ce qu'elle dit. Elle non plus, je crois. Justine, elle est à Lille. Bonjour, Justine. Salut la famille. Coucou. Salut. Justine, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ma chérie? Je suis aide-soignante. Aide-soignante. Du côté de Lille? Oui. Très bien. Justine, d'après toi, ce qu'on fait 141 fois dans une voiture au cours de notre vie, c'est quoi? Râler sur les autres automobilistes. Ah oui, ça, oh, c'est plus. Plus, bien sûr. À mon avis, c'est plus. Même les insulter, quoi. C'est quoi ton insulte favorite au volant, Justine? Pousse ton bac à moule. Ton bac à moule? Bah oui, braderie de Lille, moule, voilà. D'accord. Ah ouais. Oui, ça c'est une vraie insulte. Je m'attendais à un truc genre enculé. Ouais, un c'est truc ça. Un peu, Pousse ton bac à moule. Il y passe aussi, mais bon... Ah oui, c'est ça se met après. Pousse ton bac à moule, enculé. Voilà, c'est ça. Je te fais des bisous, Justine. Passe une belle journée. Bisous. Ciao, ciao. Il y a Audrey, elle est à Montpellier. Bonjour, Audrey. Bonjour, Audrey. Bonjour à la famille. Excuse-moi. Bonjour à toi aussi. Bah, bonjour, Audrey. Elle m'a appelé, Brubru. Moi, j'aime bien quand on m'appelle Brubru. Audrey, d'après toi, est-ce qu'on fait 141 fois dans une voiture au cours de notre vie? On se trompe de direction. Oh, ça, c'est, oh, plus, c'est ça. Plus que ça, je pense. C'est non, mais moi, mon GPS dans la voiture, il n'est pas à jour et du coup, je me trompe tout le temps, en fait. C'est la misère. Alors, mes parents aussi, ils ont ça, un GPS, mais genre, ils ne savent pas le mettre à jour sur Internet. Du coup, le truc, il doit dater de 2002 et ils t'inventent des routes. Donc, ma mère, genre, cet été, j'ai pris un sens interdit avec elle. Et je lui dis, mais maman, tu vois que c'est un sens interdit? Elle me dit, mais regarde le GPS, il me dit d'aller tout droit. Mais oui, mais il faut regarder les panneaux aussi, parce que sinon on va mourir. Audrey, je te fais des bisous, ma belle. Mais tu sais que c'est le problème des GPS, souvent. Chiant. Moi, j'ai changé de voiture il n'y a pas très longtemps, mais du coup, le GPS de mon ancienne voiture n'était pas mis à jour, et des fois, ils voulaient me faire prendre des routes qui n'existaient plus. Ah bah oui, c'est ça. Côté de chez moi, ils avaient construit un lotissement à la place de la route, et le truc, ils disaient, bah file tout droit, bah non, mec, sinon je rentre. Quand tu passes dans le salon d'un vieux, tu te dis, mince, c'est peut-être pas la route. Il y a Florian sur Twitter qui propose coller nos crottes de nez sur le sous le siège de la voiture. Non, c'est dégueulasse, on les mange. Dégueulasse. Mais justement, est-ce que t'as entendu Bruno? Est-ce que c'est pas se curer le nez en voiture? Moi, je sais que j'adore. T'es tranquille. Ah mais moi, c'est plus que 141 fois. Ouais. Ah oui, vraiment. Vous me faites rêver. Puis l'avantage avec Elliot, c'est qu'il se cure le nez en voiture, en scooter, en vélo, sur son canapé, dans le salon, dans le lit, dans le studio. Donc je vous disais, le chiffre est dans le journal ce matin. Alors, on mange environ 3000 fois dans sa voiture. Ouais. Ah oui, c'est vrai ça. On s'embrasse. Plus de 3000 fois, 3042 baisers dans une voiture, c'est une moyenne. 43 crises de larmes, 79 disputes, 33 réconciliations, d'accord? Et 141 fous rires. Ah! En voiture au cours de toute notre vie. Et je sais que grâce à Bruno dans la radio, on contribue à essayer de faire exploser cette moyenne. Et rien que ça, ça fait plaisir. 141 fous rires. J'aurais bien aimé le chiffre de câlins qu'on se fait dans la voiture. Je l'ai vu ce matin dans le journal. Ah, c'est l'émission. Deux ou trois. Ouais, je crois que c'est deux ou trois câlins dans la voiture. Mais à l'arrêt. Hein? À l'arrêt. Bah, non, en conduisant. Non, mais 145 sur l'autoroute. Les Fiat Multipla, je crois qu'à la base, c'est fait pour ça. Hein. C'est pour avoir plus de place à l'avant. Ça, tu conduis et tu fais une touze. Puisqu'on parle de la voiture. Oh! Oh! La bagnole, on attend la bagnole, tu t'entends, dis. T'entends, c'est Blue. Allez, fais un berne, vas-y. Putain, moche le son, moche le son, regarde, 15 000 watts. Oh, oh. bonjour tout le monde, mercredi c'est le 28 septembre, vous arrivez là à l'instant sur Fun Radio en vous disant mais qu'est-ce que je vais avoir Fun Radio? On m'en parle au boulot mais je connais pas bien, qu'est-ce que c'est? Fun Radio c'est ça. Je suis un chien, j'ai chaud, je suis un chien. C'est la radio qui prend des chansons que vous aimez bien pour les transformer en chansons que vous aimez pas. Nicole Pervers, là ça va arriver, et puis Hardwell WNW. Parce que Fun Radio, c'est du son qui vous réveille, les amis. On est là pour ça le matin. Ras-le-bol des radios qui vous font bonjour, ça va bien, etc. Nous, ça tape un peu. Voilà, on vous dit bonjour, ça va bien, mais sur du son qui fait un peu mal aux oreilles. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Mickaël, tu nous appelles de Lyon. Tu es notre loser du jour, Mickaël. Tu as une belle loose que tu vas nous raconter dans quelques minutes, si tu le veux bien. D'accord, mon pote? Oui, ça marche. Mais pour l'instant, alert people. À l'affût de tout ce qui se passe dans la planète People, Christina a un œil rivé systématiquement sur Twitter, sur Facebook et sur les sites People des États-Unis. Il y a une nouveauté, hop, dans la seconde, Christina vous en parle. Et là, c'est une vidéo que j'ai envie de partager avec vous ce matin parce que c'est la vidéo qui m'a fait marrer en arrivant. Dis-moi pas. Ça s'est passé hier. Justin Bieber. Exactement. Justin Bieber qui était en concert, c'était en Finlande. Tout se passait bien, le concert se passait bien, voilà, rien à signaler, jusqu'au moment où il a été pris d'une envie pressante d'éternuer. Et donc, il l'a fait, mais sur le public, et ce qui est drôle, c'est qu'il y a un truc quand même assez énorme qui part de sa bouche. Donc, je pense que là, les Billy Birds en ont eu pour leur argent. Ils ont été repeints, je pense, sur tout le visage. Le pire, c'est qu'ils ont aimé ça, j'en suis sûr. Bien sûr. Mais allez voir la vidéo, c'est sur la page Facebook Bruno dans la radio. Tu sais que dans ces cas-là, la personne, elle se lave pas, je suis sûr. Ouais, oh pendant combien de temps? Un postillon. Mais moi, j'ai assisté un jour à une scène lunaire, à un concert de Mylène Farmer. T'es allé voir Mylène Farmer? Attends, t'aurais peut-être pas dû lire à l'antenne, ça. Ouais. Je suis allé voir Mylène Farmer plusieurs fois, puisque j'aime Mylène plusieurs Farmer. Plusieurs fois? Et je vous emmerde. D'accord. Voilà. D'accord. Et oh, je mets des t-shirts transparents. Vous les voyez mes signaux à un moment ou pas? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oh, j'existe! Il y a du fard à paupières et puis on aura compris. Hein, ça. Et donc, je me suis retrouvé. Non, d'ailleurs, je dis des grosses conneries. Non, j'étais pas à un concert de Mylène Farmer, j'étais à un concert de Dépêche Mode où il y avait Mylène Farmer. Parce que mon anecdote concerne Mylène Farmer. Mais je suis déjà allé voir Mylène Farmer. Et donc, Mylène Farmer était assise devant moi, d'accord? Avec un cordon de sécurité. C'est-à-dire qu'il y avait les quatre sièges de chaque côté d'elle qui étaient libres. La rangée de quatre sièges derrière, c'était libre. Et derrière, c'était moi. Okay. D'accord? Pour éviter qu'il y ait des fous, tu vois, qui se jettent sur elle. Genre toi. Elle a pris une canette de coca, ok? Ouais. Et avant la fin du concert, elle est partie. Elle avait laissé sa canette posée sur son siège. Et au moment où elle est partie avec ses deux agents de sécu, il y a des gens qui se sont précipités pour récupérer la canette, pour lécher la canette. Bien sûr. Bah, normal, c'est comme si tu l'embrassais. Combien de fois, moi, j'ai tendu ma bouteille d'eau à une nana que je kiffais à l'école pour boire derrière elle? Ça faisait genre je l'embrassais. C'est gênant. Mais c'est bizarre. Tu vois, il est arrivé la même histoire avec Amel Bent. Elle avait posé sa canette de Fanta en 2002 et la canette y est toujours. Nicole Pervers, ça arrive là sur Fun Radio en chien. À tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. On Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Écoutez Fun Radio. Écoutez Fun Radio. Partout dans le monde sur funradio.fr. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. To stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who holds a secret tomorrow we'll hold. We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not for. Feeling this way, there's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're y a une casse qui vous manque, quoi. Bruno dans la radio. 6h-9h. Sur Fun Radio. 6h48, vous avez du mal à vous tirer la tête du lit ce matin et je reste poli. On a le son qu'il faut pour ça. W&W Hardwell, ça s'appelle Live the Night, ça va arriver là sur Fun Radio. Mais pour l'instant, il a appelé le 3228. On peut le dire, c'est notre loser du jour, Michael. Et du côté du Lyon, bonjour Michael. Bonjour tout le monde. Coucou. Salut. Michael, tu fais quoi dans la vie à 27 ans? Je suis technicien itinérant. Technicien itinérant, très bien. Michael, quelle est ta loose? Raconte-nous. Alors, comme un peu tous les soirs, je m'arrête au supermarché pour me prendre un petit truc. Et puis là, dernièrement, j'ai voulu me prendre une glace. Donc, je vais au congélateur, j'ouvre le congélateur, je prends ma glace. Et dès que je referme le congélateur, là, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, j'étais tellement fatigué que je chope mes clés et j'appuie sur le bouton pour verrouiller le congélateur. Et tes clés sont restées dedans? Non, je prends mes clés de la poche et puis comme c'est que je sortais de la voiture, j'appuie dessus pour fermer. Et donc... Ah d'accord, alors, j'ai compris, c'est un peu compliqué. Alors, c'est quand ouais, j'ai rien compris, expliquez-moi. En fait, il a voulu fermer le congélateur comme si c'était sa voiture en appuyant sur le bouton, genre tut tut, tu vois. Genre parce qu'il réfléchissait ouais, pas, il d'accord. a fait un geste totalement débile de diriger sa clé vers le congélateur et ah, pour fermer le congélateur. Comme si le congélateur allait faire d'accord, tout. Okay. Mais ceci dit, tu fais des trucs cons quand t'es fatigué. Ah ouais, là c'est au-delà du con, hein, je te rassure. Elle est pas mal. D'accord. Non, elle est pas mal. Mais cela dit, c'est vrai que quand t'es fatigué, tu peux faire des trucs complètement débiles. Ah oui. Bien sûr. Moi par exemple, hier matin, véridique, au lieu de me mettre du déo sous les bras, j'ai mis de l'eau thermale. Parce quoi? Que je me suis trompée de flacon. Vous voyez pas ce que c'est l'eau thermale? C'est débile, mais ça reste classe. Vous n'utilisez ouais. pas l'eau thermale? Non, mais en truc débile, moi, ça m'est arrivé, par exemple, de mettre, tu vois, genre, ça m'est pas arrivé hier, mais ça m'est arrivé la semaine dernière, faire réchauffer des légumes, tu vois. Donc, faire réchauffer des légumes, au lieu de les foutre dans le micro-ondes, je les ai foutus au frigo.

Mais à 8 ans, ça sent le père qui est branché foot et qui amène son fils au stade. Voilà. Ce sera tout à l'heure, là, dans moins de 5 minutes sur Fun Radio. Journal point d'image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI. Les véganes sont chiants. Miss France, à quelques semaines de l'élection de Miss France 2017, une première polémique vient entacher le concours de beauté. Ah, enfin, une sextape, des photos nues? Non, la Miss Nord-Pas-de-Calais, Laurine Maricot, aurait bénéficié d'un traitement de faveur avec l'aide d'un maquilleur professionnel. Ah, attendez, c'est ça que vous appelez une polémique? On en reparlera quand il y aura au moins un bout de nichon en jeu. Ouais. Télévision, on connaît le casting de Danse avec les Stars. Il y aura notamment Caroline Receveur, Laurent Mestré, Florent Motte, Camille Lou ou encore Kamel. Ça, c'est pour la danse, hein. Visiblement, je reviendrai vers vous quand j'aurai le nom des stars. Ce soir, le PSG joue son deuxième match de Ligue des Champions en Bulgarie, à Razgrad, contre Ludogorets. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement à Razgrad, en Bulgarie. Ah, et il y a combien de temps de décalage là-bas ? Écoutez, si je regarde autour de moi, je dirais une bonne trentaine d'années. Bon courage, Anthony. Et pour finir, si vous aimez les clubs de vacances et les homosexuels, découvrez le Club PED. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Yeah ! Vous écoutez Fun Radio, on a le son qu'il faut pour vous réveiller. On a le son qui tape, mais ça fait plaisir. Voici Live the Night, WW Hardwell et Lil Jon. C'est sur Fun. Fun Radio, let's go, go. Fun Radio. C'est violent. Et alors, on est là pour vous réveiller le matin ou pas? C'était WW sur Fun Radio. Parakeet qui arrive. Et j'aime bien. Et je vous ressors un vieux son qui va vous faire plaisir. Vous vous rappelez de ça? Bah oui. Bien sûr. David Guetta, Ne-Yo, Akon, Play Hard. Il va faire plaisir de ouf. Ce sera avant 7h30. 7h10, je paye de la facture. Le répondeur des enfants arrive après les news. Il est 7h. Fun Radio. Le son. Dance. Floor. Maxime Poulaouec pour les infos là de ce mercredi matin, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. La météo pour commencer ce 28 septembre, du soleil sur l'ensemble de la France aujourd'hui. Ça mettra un peu plus de temps à se dégager entre la région parisienne et le nord de la France. Les températures seront en hausse et agréables, comptez 12 à 17 degrés ce matin. Dans l'après-midi, prévoyez 18 à Brest, 23 à Biarritz, 24 degrés à Paris et Clermont, 25 à Lyon, 26 à Montauban, jusqu'à 28 degrés à Nîmes. Prix Nobel de la paix en 1994, Shimon Peres est mort cette nuit à l'âge de 93 ans. L'ancien président israélien avait été hospitalisé il y a 2 semaines à la suite d'un AVC. Les hommages commencent à affluer. François Hollande a salué ce matin un des plus ardents défenseurs de la paix et un ami fidèle de la France. La taxe attentat devrait augmenter. C'est l'argus de l'assurance qui l'avance ce matin. Il pourrait passer de 4,30 € à 6,50 € à cause de la menace qui pèse sur la France. Bercy envisagerait cette solution pour réformer le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme. Cette taxe est prélevée sur chaque contrat d'assurance depuis 1986. Que fait-on dans une voiture ? On conduit, c'est une certitude et selon un sondage CSA pour Citroën dévoilé ce matin dans le Parisien aujourd'hui en France, un Français passe au cours de sa vie 3 ans et 10 mois dans sa voiture et il s'en passe des choses. 1700 séances maquillage, 141 fous rires mais encore 3000 bisous et 2 à 3 relations sexuelles. Vous ne verrez plus Florent Manaudou torse nu, le champion olympique de natation a annoncé hier son retrait des bassins. Il va désormais se consacrer au handball à Aix-en-Provence. L'ex-nageur qui n'est pas professionnel évoluera avec l'équipe réserve. En foot, les clubs français n'ont pas été brillants hier soir en Ligue des Champions. Pour le 2e match des phases de poule, Monaco a fait un but partout contre Leverkusen et Lyon a perdu 1-0 à Séville. Ce soir, le PSG se déplacera en Bulgarie pour affronter Ludogorets. C'est à 20h45. 7h02 sur Fun Radio, on continue avec toute l'équipe de Bruno. Bon réveil. Fun Radio. Mercredi, c'est le 28 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 7h02. Bonjour! Bonjour! Et je suis content qu'on vous ressorte le Guetta, c'était grosse tapette la chanson. On avait Keblo à l'époque sur ce dos, parce qu'il y a un moment où Akon il fait bang bang grosse tapette. Ouais. Moi maintenant, quand j'entends la chanson, j'entends que ça là à ce moment-là. Il le dit, je suis désolé. Bang bang grosse tapette, ouais, c'est bon. On va vous le mettre avant 7h30. Vous savez, en fait, le souvenir que je faisais de Sodos, c'est pas l'année dernière, c'est l'année d'avant, le jour de mon anniversaire, où Guetta m'avait invité au Pacha, où il mixait, et il passait ce morceau. Et moi, j'étais derrière, et le gars me parlait, et j'étais en kiff. Et tout le monde me regardait, j'étais en mode, ouais, ok, je connais l'année de Guetta. Souvenir de ouf, quand même. Et après, pff, rien pécho du tout. Enfin, bon. Les amis, toute l'équipe de Bruno dans la radio est là ce matin. Il y a Christina. Bonjour à tous. Il y a Vaché. Bonjour à tous. Il y a Elliot. Bonjour à tous. Et il y a ce hashtag qu'on a lancé là tout à l'heure. Et putain, j'ai envie de vous dire merci, la famille. Merci d'être aussi réactif tous les jours, notamment via les réseaux sociaux. C'est la façon aussi que vous avez de faire de la radio avec nous. Mais on a lancé le sujet il y a à peine 10 minutes. Le hashtag, tu sais que t'es fatigué, que tu es fatigué quand. Et nous sommes déjà en top tweet France. C'est-à-dire que c'est le sujet dont on parle le plus en France. Depuis 10 minutes. Et avant, en top tweet France, c'était Bruno Fun Radio. Vous êtes des ouf, ça fait plaisir, vraiment, ça nous touche. On va rappeler Mickaël du coup, parce que c'est grâce à un auditeur qu'on l'a lancé. Ah bah oui, j'avais dit que je lui offrirais un cadeau. On va le rappeler. Et bah je vais lui offrir un cadeau. Je sais pas quoi, je vais réfléchir, on va lui trouver un cadeau, on va l'appeler. Bah on l'appellera dans un quart d'heure, on va revenir. Choisissez là des auditeurs, parce que vous aussi au 32-28, vous pouvez faire de la radio avec nous. Vous commencez votre phrase par « Tu sais que tu es fatigué quand ?» Il y en a plein là qui arrivent, qui vont vraiment fait marrer. Il y a Florian qui dit « Tu sais que tu es fatigué quand tu jettes ta cuillère ainsi que ton yaourt à la poubelle. Ah, » ouais. Ça arrive mille fois ça, vraiment. Il y a Romain qui dit « Tu sais que tu es fatigué quand tu bois un verre de ketchup la nuit au lieu d'un verre de jus d'orange. » Ouais, alors là, t'es très fatigué. Ouais, tu sais que t'es bourré, c'est différent. Il y a Émilie qui dit « Tu sais que t'es fatigué quand tu mets tes céréales dans ton verre de jus d'orange. » Bien sûr. Elliot, ça le choque pas, il mange ses céréales avec du jus d'orange. Ah ouais. Un classique, j'adore ça. Il y a Nico qui dit « Tu sais que t'es fatigué quand t'appelles ton prof maman. » Ah bah oui. Ça c'est vrai. Ou papa, tu sais, t'es en train de bosser au lycée ou au collège et le prof arrive derrière toi, tu fais « Oh maman, pardon, excusez-moi. » Et t'es gêné 2000 derrière, mais tu fais, tu peux le faire. Tu sais que t'es fatigué quand tu cherches tes lunettes alors qu'elles sont sur ton front. Ah bien sûr. Ça marche avec le portable aussi. Évidemment. Chercher dans ta main. Évidemment. Bah, et on continue là, voilà, sur ce délire-là. Hashtag « Tu sais que tu es fatigué quand ?» Et on fera de la radio ensemble tout à l'heure à 7h15. Répondeur des enfants sur Fun Radio. Toute Toutes les semaines, nous ouvrons notre répondeur aux auditeurs de Fun Radio qui ont moins de 12 ans et en leur posant une question, ils donnent leur réponse sur le répondeur des enfants. Le numéro de téléphone, c'est le 06 34 62 26 28. Je vais vous rappeler la question que nous avions cette semaine. Si tu pouvais être dans la peau d'une personne célèbre, ce serait qui et pourquoi ? Marrant de savoir quelle personnalité, tu vois, les plus jeunes aimeraient s'identifier. On a eu Lilian avec Alexandre Lacazette tout à l'heure, qui était un joueur de l'Olympique Lyonnais. Hey, il aime le foot. Ah oui. On a Alessia qui a laissé un message. Bonjour Bruno, bonjour. Enfin, c'est Alessia. Moi, je vais être Rihanna. Pourquoi elle est belle et elle s'est santé. Au revoir. La Reine des Neiges, évidemment. Ouais. Anna. Elle a dit Rihanna. Rihanna. Elle a dit ah, Rihanna. Je croyais qu'elle avait dit Anna. Oui. Non, moi c'est Rihanna pour mettre des tenues transparentes et me frotter sur des messieurs qui ont le zizi tout dur. Calme-toi enfin. J'avais compris Anna. Ouais, mais c'est moins mignon du coup. Hein. C'est parce que tu vieillis. Ouais, c'est ça, c'est à vieillir, j'entends plus très bien. T'entends plus très bien, puis après tu me diras bonjour 5 fois dans la matinée. Qu'est-ce que tu dis ? Il y a Robinson qui a laissé un message. Bonjour la famille, c'est Robinson. L'acteur que je préfère être. C'est Philippe Lachaud dans le film Movie City. Surtout la scène du striptease dans le premier. En plus, ce film est trop drôle. Au revoir, la famille. Philippe Lachaud dans Babysitting. Ouais, pour la scène du striptease. Ouais. Donc on a que des enfants qui sont portés sur le truc. Ouais, déjà pervers à son âge, c'est beau la France. C'est ouf quand t'es gamin de vouloir être Philippe Lachaud. Je vais lui dire à Fifi, ça va lui faire plaisir. Il pécho Alice David. Qui rêverait pas de pécho cette nana ? Moi, je suis fan. Elle est brune et tout. Elle est jolie. Très jolie, ouais. Elle est jolie, elle est pas bonne. Et ça, c'est là où tu vois les femmes. Putain, attention, ouais. Faut l'enregistrer. C'est la première fois qu'Eliott dit ça d'une fille. Ouais, qui était respectueux. Même de sa meuf, il parle pas comme ça. Mon pauvre, tu savais comment il parle de sa meuf. Bon, allez, on finit avec un message de Lenny. Salut Bruno, salut la famille, c'est Lenny. Moi, si je devais être une célébrité, je serais Pogba parce qu'il est beau, il est riche et que c'est un bon footballeur. Salut. Donc on est d'accord que chez Lenny, ils ont enlevé tous les R. C'est-à-dire qu'à l'école, on lui a fait l'alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Peut-être de Tahiti, je crois que c'est Tahiti qui... Ah, il n'y a pas de... Ah ouais, d'accord. Il a donc, peut-être un accent. Attends, on peut écouter le message, il n'y a pas un R. Je vous jure, vous enlevez, regardez, vous allez voir, ça commence par mon prénom et après, il a enlevé tous les R du dossier. Salut Bruno, salut la famille, c'est Lenny. Moi, si je devais être une célébrité, je serais Pogba parce qu'il est beau, il est riche et que c'est un bon footballeur. Salut. Salut Bruno, si je devais être une célébrité, je serais Pogba parce qu'il est riche, c'est un bon footballeur. Mais c'est le créole haïtien. Là. Ah d'accord, ok. Ah ouais, bien sûr. Putain, alors donc t'imagines sans R. Moi, je me souviens parce qu'il y a un mec de Koh Lanta qui parlait comme ça. Non, attention, une minute, on parle sans R. D'accord. Attends, d'accord, mais comment on dit la lettre ? Comment on la prononce ? On la dit pas. T'écoutes quelle radio ? Quelle radio ? Fun radio. Mais est-ce que c'est pas un peu sinois aussi de pas prononcer les R ? C'est que moi, tu prononces pas les R. J'écoute Bruno dans la radio. On n'a pas dit de faire des Z à la place des J, Eliott. On a dit juste les R. Juste les R. Attention, je fais un lancement. Okay. Là, par exemple, le groupe s'appelle Parakeet. Okay, là, c'est chaud. Ah ouais. Parakeet, ok, alors. Il faut que j'annonce, je paye tes factures. Putain, attends. Ouais. Bonjour, c'est Bruno dans la radio. Pas à quitte, tout de suite sur Fun Radio. Et je paye. AP ? Et AP, tu vas. AP, je paye de la facture. Ah ouais. Tu payes quoi comme facture ? Je sais pas. C'est un tirage au sang. C'est ça, c'est un tirage au sang. Oui, c'est un tirage au sang. C'est un tirage au sang, bien sûr. Tu comprends pas ou quoi ? Tu comprends pas ? Bien sûr. Mais oui. Je suis un connard. C'est clair. Hard to walk again. You told me how to fly. You drove my hand. You saved me, saved me. J'adore ce truc. Parakeet, à l'instant sur Fun Radio. Il y a la chanson du jour qui arrive. Chanson du jour, ce sera tout à l'heure. 7h30 sur Fun Radio. Chanson du jour de ce matin. On n'est pas à l'abri de se marrer. Je préfère vous prévenir. Ouais, je pense que c'est une chanson du jour entre Caroline et Jérémy. Et Jérémy n'est pas à l'abri de divorcer. Ouais. Pourquoi Jérémy... C'est quoi le thème? Bah, Jérémy, il part sur un sujet qui peut être touchy. Il y a des sujets touchy et le physique en général s'en est un. Ouais. Il veut appeler sa meuf pour lui demander de s'épiler. Voilà. Il veut qu'elle fasse des efforts, d'accord, parce que de ce côté-là, il y a visiblement une jachère. Genre, elle se laisse aller? Ouais. Elle se laisse aller, ouais. De partout. Ouais. Il nous a appelé pour qu'on trouve les mots. Le problème, c'est que je sais pas si on est les bonnes personnes. Hein. il s'est peut-être gouré. Le coup. Ah, les bonnes personnes, sans doute. Les bons mots, je suis pas sûr. Ah, oui, c'est ça plutôt. Vous voulez un extrait de la chanson? Oui. Petit extrait de la chanson. Tout d'abord, je voudrais te dire que je t'aime. Sauf que là, j'ai un problème. Au début, ça me fait marrer. Mais là, tu te laisses trop aller. J'en ai marre de retrouver plein de poils dans le lit. Ce n'est plus possible, tu ressembles à un yéti. C'est sur Libéré, délivré. Ouais. Il y aura épilé. C'est un peu dans ce genre-là, ouais. On est d'accord, on est d'accord. Mais attends, parce que sa femme perd ses poils? Mais ça se trouve, il sort avec un labrador. Ça se trouve, la personne qui l'appelle Caroline, c'est un chien. Parce que moi, j'ai le même problème avec Gaston. Ouais. Une femme qui perd ses poils d'elle-même, ça serait plutôt c'est la magie bizarre. Pour une nana, quoi. Ouais, elle, elle en a beaucoup, quoi. Parce qu'il paraît, ils sont longs et tout. Oh. Qu'elle se fasse des dreads. Avant 7h30. Work hard, play hard, work hard. Bang bang, girl, stop it. C'est David Guetta qui va arriver avec Nio et Econ. Mais pour l'instant, je paye de la facture. Bruno, allô, paye vos factures. Oh, il est adorable. Oui, tous les jours de la facture, de la facture, de la facture. Bruno, paye tes factures. De facture de vin rouge, ou sauciflard, ou tout ce que tu veux. Une biture, une facture, et Bruno, il te paye cette facture. Et il te sort ses piécettes et te fait la fête, c'est Bruno qui te paye cette facture. Oui, merci. Ouais, je sors des piécettes, les amis. Et qu'est-ce que piécettes. C'est une biture? Une biture, ah, une cuite. C'est une cuite, ouais. Ah. On va penser à faire cette émission pour Elliot avec un dictionnaire. Ouais. Un lexique. Un traducteur. C'est qu'au pire, tu nous fais pas chier. Il y a un gars, il s'appelle Wikipédia. Tu tapes et puis voilà. Ouais, c'est t'as un ordinateur. Hein. Christina, imaginons, je suis pas animateur de cette émission. Oui. Bah, j'arrive. Oh, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Jean-Philippe. Et ben bonjour, c'est Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Voilà, moi j'écoute Bruno dans la radio tous les matins. Ah, merci. D'accord. Pas depuis longtemps. Est-ce que tu sais le chanter alors le générique? Parce qu'on va voir si t'es vraiment un adepte. Si, ouais. Ouais, voilà. Bruno dans la radio. Oh, C'est bien. J'écoute tous les matins. Ouais. Et alors, je vous écoutais pas avant, j'avoue, mais c'est des collègues de boulot. Ils m'ont dit arrête d'écouter cette radio. Écoute Fun Radio. J'ai écouté et bah, je trouve ça bien. Voilà. Ah, c'est sympa. Pas tous, pas tout le monde. Il y a des trucs, des fois, je trouve que ça tourne en rond, mais ça va. Globalement, ça va. Ça va se faire foutre. Mais je suis auditeur. Alors par contre, je voudrais envoyer une facture. Déjà, ma question, c'est, je suis pas auditeur depuis longtemps. Je peux quand même participer. Mais bien sûr. D'accord. Même si t'écoutes depuis ce matin, tu peux participer. Il y a une limite de montant? Non, pas du tout. En fait, t'as forcément même plusieurs factures, j'imagine. Oui, j'en ai. Tu peux toutes les envoyer. Il n'y a pas de limite de montant. Alors, mais où je les envoie? Tu peux même envoyer tes découvertes. Soit tu la scannes, tu l'envoies par mail à facture@funradio.fr. D'accord. Ouais, d'accord. Ou bien tu la photocopies. J'ai pas de scanner par contre. T'as pas. Putain, mais il y a des applications. Fais des efforts. T'as pas un téléphone? J'ai pas de smartphone. Ah bon? Dans ce cas, tu l'envoies par courrier. Ouais. Ah oui, alors parce que j'ai pas de bras. Jean-Philippe. Écoute, tu peux. T'as pas une maman, un papa qui pourrait t'aider? Ouais. Je les ai enterrés la semaine dernière. Ah, je les ai défaussés et j'ai fait des abat-jours. Et si je suis venu vous voir dans le studio, c'est parce que j'ai envie de vous couper en morceaux et de vous accrocher dans mon salon. D'accord, pour faire un macramé. On te rachète tes abat-jours. Bon, allez, c'est n'importe quoi cette émission. On part où? On part à la Resse. La Resse, c'est dans le 88. On part chez Lysiane. Dans les Vosges. Oui. Bonjour Lysiane. Bonjour. Lysiane, quel est le seul animateur radio qui va y être avec? C'est Bruno dans la radio. Ben voilà. Bravo. Lysiane, quel âge as-tu? Que fais-tu du côté de la Bresse? J'ai 23 ans et je travaille dans l'urbanisme. D'accord. Mmh. Tu m'as envoyé une facture pour un spectacle. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le spectacle de Jeff Panaclock. Eh bien, tu as du goût. Ah, ça cartonne. Jeff Panaclock et Jean-Marc, je suis fan. Je suis allé les voir, j'ai ri, mais de ouf. C'est le mec qui a la marionnette de singe. Exactement, oui. C'est le ventriloque. J'ai toujours rêvé de pouvoir, tu vois, du coin de la bouche, bonjour les amis. C'est en radio. C'est-à-dire que même si tu dis bonjour les amis, on a l'impression que tu vois, en radio, tu peux dire que t'es ventriloque. Ah oui, et Lysiane, tu es allé le voir ou tu vas le voir? Non, je vais aller voir. C'est énorme, tu vas voir. Et alors moi, tu sais quoi? J'avais peur à un moment que ce soit chiant, une heure et demie avec la marionnette. Et en fait, il y a un passage où il prend quelqu'un du public et il lui met un faux visage. Tu sais, Arthur l'avait fait dans Vos oreilles, tout est permis. Et il fait bouger la bouche du gars en lui faisant dire n'importe quoi. C'est à pleurer de rire. Surtout, il est trash en plus. Non, c'est super drôle. Et est-ce que c'est vrai la rumeur qui dit qu'il met son bras dans un vrai singe? C'est vrai. Lysiane. Oui, je te paye. Et ben de rien, je te paye cette facture. Je te fais des bisous, ma belle. Merci. Ciao, gros bisous. Bisous. J'ai envie de lui dire rendors-toi parce que j'ai l'impression qu'on l'a un petit peu réveillé. Ah, c'est possible. Hein. Dans la demi-heure sur Fun Radio, il y aura DJ Snake et Justin Bieber. Et puis, on a lancé le hashtag tu sais que tu es fatigué quand. Complétez cette phrase. On fait de la radio en direct sur Fun Radio juste après ça. Bruno dans la radio. C'est vous. Au 3228. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. Hi, it's Neil Sazen on Fun Radio. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Le magique anniversaire de But continue et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. En ce moment, -50% sur le canapé d'angle convertible Scoop avec coffre de rangement. 499€ au lieu de 999. Moi, on me dit ça, j'y cours. But, c'est nous. Bon, allez, on y va. On reste encore un petit peu. Oui, bon, on le prend ce canapé. On va pas passer la nuit non plus chez But. Quoique. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron, là, c'est pas bon. Hein. Ah, pour Lidl? Ah non, pour nous. Ils lancent une gamme de produits bio. Des œufs, de l'huile d'olive, du lait. Mais du coup, les prix, c'est de l'impôt. Ah bah non, ça vaut vraiment le coup, hein. En ce moment, par exemple, les yaourts bio saveur vanille sont à 99 centimes les 4 pots de 125 grammes. Moins 20€ les 4. Ah oui, 99 centimes les 4 yaourts bio saveur vanille. Ah, pas de pot, hein, c'est le vrai prix. Ah, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,98€ le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 4 octobre. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. On est l'archi-élite de l'élite. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Alors là, je suis d'accord. On se met au boulot. Vous avez choisi la première radio dance floor de France. Vous avez choisi Fun Radio. Je m'appelle Bruno. Tous les matins, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. L'émission qui est là pour vous réveiller avec les plus grands DJ de la planète. Et je le prouve. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio, le son dance floor. Come on baby and drop it. Scrub the flow and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thing, thing. Girl, stop it. Wanna just bang, bang and pop it. While the club crowd are just watching. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out. That is the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Ew. Ladies can't get enough. Got my fitness on looking buff. And all my people with my trust. Holding down for my city. If they're asking you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is making you rock with me. Work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work it out. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Qu'est-ce qu'il était bon ce titre ! C'est aussi pour ça qu'on est là, Fun Radio. Voilà, nous avons les clés, nous sommes les garants du son dance floor à travers les générations. Et même quand le temps passe, nous sommes là pour vous souvenir, pour nous souvenir. Et on se souvient pour vous, c'est beau, oui, je sais. C'est beau. DJ Snake, Justin Bieber, ça arrive sur Fun Radio. Let me love you. Mais pour l'instant, on fait de la radio ensemble sur Fun. C'est quoi, c'est un casting de pom-pom girls ? Bruno dans la radio ! Il a la classe ! 6h-9h sur Fun Radio. Oh ouais. Nous avons les meilleurs auditeurs du monde. 5 minutes après avoir lancé le sujet, il était déjà en top tweet France. C'est le sujet dont on parle le plus sur la galaxie Twitter depuis maintenant une demi-heure. Le hashtag « Tu sais que tu es fatigué quand ?» Michael qui a lancé cette info en nous disant qu'avec ses clés de voiture, il a voulu fermer une porte de congélateur dans un magasin. C'est bizarre. Et je lui avais dit, si jamais ce sujet est en top tweet, on t'offre un cadeau. Michael. Oui. Sujet numéro 1 top tweet France, on t'offre un cadeau. Quel cadeau, Christina ? Est-ce que ça te dirait une PS4 ? Oui. Eh ben, tu sais quoi ? Eh ben, t'as une PS4. On t'offre une compile, du coup. Voilà. On t'offre une PlayStation 4, Michael. Allez, et on t'envoie ça, on t'embrasse. Merci. Eh ben de rien, tiens mon pote. Je me rends compte, à l'époque, quand j'ai commencé à faire de la radio, t'offres un CD, les gens hurlaient pendant une demi-heure. Là, tu dis, t'offres une PS4. Merci. Oh ouais, okay, bon. Super. Je vais caler un meuble avec. Ok, voilà. Super. Pourquoi bon, hashtag, tu sais que tu es fatigué quand on vous a demandé là, de balancer vos messages sur Twitter et au 3228. Il y a Alex qui est à Nice, il a 17 ans. Salut Alex. Salut. On t'écoute. Hashtag, tu sais que t'es fatigué quand tu pars en course en cartable. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Je partais, arrivé en bas, je me rends compte, merde, mon cartable, je l'ai oublié. Ça m'est arrivé une fois aussi. C'est compliqué, ça, ouais. Quand tu te rends compte aussi que t'as pas les bons coureurs dans le sac. Ouais, ah, ça bah marcher. Oui. On t'embrasse, Alexandre. Il y a Léa qui a 16 ans, qui a Soissons. Salut Léa. Bonjour Bruno. Ma chérie, je t'écoute. Tu sais que t'es fatiguée quand tu oublies de mettre tes chaussures et que tu pars avec tes vieux chaussons pour aller en cours. Non, est-ce que c'est pas une légende urbaine? Non, moi ça m'est déjà arrivé une fois. Tu sais Léa que moi ça m'a réveillé. Je faisais des cauchemars à l'époque où j'étais lycéen, où je me rêvais justement arriver à l'école en chaussons. Et que tout le monde se foutait de ma gueule et que j'étais déprimée. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'y allais à l'école, à vélo, tu vois. À vélo ou à l'école? Ça m'a traumatisée. Je suis arrivée, je garde mon vélo et là, je me rends compte que je suis en chaussons. Je fais oh putain. Je suis sûr que j'ai fait demi-tour. Je suis retournée chez moi. Et du coup, je suis arrivée en retard à l'école, mais j'étais pas en chaussons. Je suis sûr que c'était des isotonnerres tes chaussons. T'as une tête, tes chaussons. T'as une tête à porter des isotonnerres. Non, c'était des chaussons molletonnées. Je me rappelle et les gens ont dit waouh, c'est une nouvelle mode et elle a inventé les hugs en fait. Ça cartonné. Léa, ça t'est arrivé déjà ou pas? Oui, ça m'est arrivé en primaire. Oh merde. Bon, et bon courage pour les cours. T'attaques avec quoi toi ce matin? J'attaque avec Histoire Géo. Et t'es en quelle classe? Je suis en terminale. Et bah courage ma belle, on te fait des bisous. Il y a Bastien, il est à Orléans. Salut Bastien, 18 ans. Salut l'équipe, salut la famille. Salut. Tu sais que t'es fatigué quand t'as une voix comme ça déjà. Salut l'équipe, salut la famille, la forme. Dis-moi, c'est quoi pour toi Bastien? Tu sais que t'es fatigué quand tu oublies de mettre de l'eau dans les pâtes. Ah mais grave. Ah, ça, vous êtes déjà arrivé ça. Mais c'est quoi? Non mais Bastien, il a raison. Mais non mais c'est vrai. Non. Ça nous est tous arrivé de mettre une casserole à bouillir, ouais. Mais tu mets rien dans la casserole. Ah bon? Et du coup, ça bout rien. Oui, oui, d'accord. Et après, t'arrives avec tes pâtes, tu vas pour les foudre. Ah, moi, ça m'est arrivé mille fois. T'as raison, ah bon Bastien, bien sûr. Bien sûr, là, merci. Quand t'es fatigué en cuisine, tu peux faire plein de trucs qui n'existent pas dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand tu fais rien chauffer dans le micro-ondes. Parfois, tu sors une assiette, tu le remets et il chauffe tout seul et tu reviens deux minutes après, il a par fait exploser. Par exemple. Bastien, je te fais des bisous, mon pote. Bisous. Oh là là. Il est bien. Manu à Nantes. Salut Manu. Salut la famille. Salut. 23 ans. Hashtag, tu sais que t'es fatigué quand? Alors, hashtag, tu sais que t'es fatigué quand t'es à la machine à café et que tu te retrouves à la place d'avoir un café, de te retrouver avec un potage. Oh putain, ouais. et surtout que t'avais que 30 centimes. Aïe. Et personne n'en veut. Hein. Ouais, t'as foiré ton coup, t'as que 30 centimes, tu peux pas te prendre une autre boisson et t'as le potage lyophilisé à la tomate. Ah, dégueulasse. 7h30, ouais. Vous l'avez déjà goûté? Ouais. Ah, les tomates aussi, elles sont fatiguées. Hein. On t'embrasse, Manu. Il y a Clem qui dit sur Twitter, tu sais que t'es fatigué quand tu te mets à fixer le vide pendant 5 minutes. Ouais, mais tellement. Et il y a Axel qui dit, tu sais que tu es fatigué quand tu es allongé sur ton lit, que ton téléphone tombe sur toi. Ouais, à qui c'est pas arrivé? Bien sûr. Et hashtag, tu sais que t'es fatigué quand tu commences à 8h, mais qu'il est 9h au moment où tu te lèves. Et il y en a un qui m'a fait rire, c'est hashtag, tu sais que t'es fatigué quand t'as plus la force de te masturber. Ouais, je voulais le dire, parce que je l'ai lu hors antenne, et Elliot a dit, ah putain, oui, c'est trop vrai. Voilà. C'est pour ça que je voulais le dire à l'antenne, juste pour ça. Quand à toi-même, tu te dis pas ce soir, j'ai la migraine, ouais. C'est que ça va pas. C'est chaud. Let me love you, Bieber, Snake, ça arrive. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour votre DJ préféré. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go le son Dance Floor. Mariono. Aujourd'hui, je rêve de m'offrir tous les parfums, le maquillage et les soins qui me font craquer. Bonne nouvelle! Jusqu'au 9 octobre, profitez des jours uniques chez Marionneau avec 25% de réduction sur tout le magasin et l'institut. C'est le moment de céder à toutes vos envies de beauté. Offres et conditions sur marionneau.com. Marionneau, la beauté qui me ressemble. Un pour tous, tous pour l'anniversaire Intermarché! Et oui, c'est parti pour 4 semaines! Pour l'achat d'un filet de pommes de terre de consommation Bon Marché Plaisir à 2,49€, le deuxième filet est 100% remboursé sur votre carte de fidélité. Mais c'est seulement jusqu'à demain! C'est ça l'anniversaire Intermarché! Intermarché, tous unis contre la vie chère! Origine France, catégorie 1, calibre 50-70. Filet de 5 kg, soit 50 centimes le kilo. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Imaginez-vous libre avec Boursorama Banque. Libre de ne payer aucun frais de tenue de compte et libre de profiter d'une carte bancaire totalement gratuite. Libérez des frais, en fait. Libérez-vous de la banque. Essayez Boursorama Banque. Boursorama Banque, la banque en ligne avec vous. Et en ce moment, 80€ offerts pour toute première ouverture d'un compte bancaire. Voir détails des tarifs sur brochure tarifaire. Offre valable jusqu'au 12 octobre 2016. Détails de l'offre et des services sur boursorama-banque.com. Bougez pas, Bruno. Ne ratez pas la chanson du jour de ce matin, ça arrive dans 3 minutes sur Fun Radio. Il y a Jérémy qui veut qu'on appelle sa meuf pour lui faire passer un message qui va lui faire plaisir, je pense, en direct à la radio. Voilà. Chérie, épile-toi. À tout de suite. Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance. Floor. Pour l'instant, le point sur l'actu, c'est en 2 minutes et c'est Maxime Poulaouec pour les news. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. La météo de ce mercredi 28 septembre, une belle journée de soleil à prévoir sur la France. Ça mettra un peu plus de temps à se dégager entre la région parisienne et les Hauts-de-France où il y a pas mal de nuages actuellement. Ce matin, il fait 12 et 17 degrés. Dans l'après-midi, les températures seront en hausse. 18 à Brest, 19 à Dunkerque, 20 degrés attendus à La Rochelle, 23 pour Tours, 24 à Paris, 25 à Lyon et 28 degrés à Nîmes. C'est l'information de la nuit. Shimon Peres est mort. L'ancien président israélien s'est éteint vers 3 heures du matin près de Tel Aviv. Il était hospitalisé depuis 2 semaines à la suite d'un AVC. Le prix Nobel de la paix avait 93 ans. François Hollande a salué la mémoire d'un ami de la France et de l'un des plus ardents défenseurs de la paix. Le combat des employés d'un Conforama dans le Gard. Ils se mobilisent depuis plusieurs jours à Nîmes pour protester contre le licenciement de leur directeur le 19 septembre dernier. Pour insuffisance professionnelle, les salariés ne comprennent pas cette décision. Le magasin affiche une belle progression des ventes cette année. La folie des grandeurs pour Elon Musk, le fondateur de la société SpaceX et PDG de Tesla, a présenté hier un plan incroyable. Il a l'intention d'envoyer des gens sur Mars et d'y construire une ville autosuffisante. Les humains y seraient envoyés par vaisseau à un prix de 100 000 $ le billet. Le premier vol habité est espéré pour 2024. Florent Manaudou change de maillot, le champion olympique de natation met sa carrière entre parenthèses. Il va désormais jouer au handball avec l'équipe réserve d'Aix en Provence à un niveau amateur. L'ex-nageur veut s'offrir une parenthèse, une bulle d'air selon ses propres mots et prendre enfin du plaisir dans le sport qu'il a pratiqué durant son adolescence. Le football, la deuxième journée des phases de groupe de Ligue des Champions. Monaco a fait un but partout hier soir contre Leverkusen. Défaite 1-0 de Lyon à Séville. Ce soir, le PSG se déplacera à 20h45 en Bulgarie pour affronter Ludogorets. 7h33, vous êtes sur Fun Radio avec toute l'équipe de Bruno. Bonne matinée. Sérieusement, il y a une case qui vous manque, quoi. Bruno dans la radio. 6h-9h. Mercredi 28 septembre, c'est Fun Radio. Bon réveil la famille. DJ Snake, Justin Bieber, ça arrive. Let me love you. Mike Perry, The Ocean. C'est le programme de la demi-heure. Et puis le nouveau sac Noël que vous avez découvert chez nous, il est bien, il s'appelle Trumpets. En une de l'actu aujourd'hui, il y a le décès de l'ex-président israélien et prix Nobel de la paix Shimon Peres, qui est mort à l'âge de 93 ans. Et cette vanne honteuse, mais qui, je l'avoue, m'a fait rire. Est-ce que vous croyez que le gars qui va conduire le corbillard dira en voiture Shimon? Voilà. Pff, très con. Des fois, on peut rire honteusement. Je ris, hashtag j'ai honte, hashtag je sors. Mais voilà, c'est passé sur Twitter, ça m'a fait rire. D'accord. On a comme un petit problème. Le mercredi, Bruno règle vos problèmes avec la chanson du mercredi. Fun. Tu connais l'adage, on peut rire de tout, mais pas forcément avec n'importe qui. Et est-ce que tu connais la suite de En voiture Simone? Non. Moi, je compare ça. Enfin, personne dans le studio? Okay. Non. Vous savez quoi? On va faire la chanson du jour. Allez. Je sens que. Mais non, En voiture Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Ah ouais, c'est merci. Ah. Ah ouais, c'est pas... Les vrais beaufs connaissent la suite pour moi et les faux beaufs le connaissent pas. Ah, pourtant on est des faux beaufs. Ouais, moi je suis un retire vrai beauf. Tout de suite ce que t'as dit. Moi je veux être un vrai beauf. Ouais. Bah, fallait connaître la suite. Oh, moi, c'est qui a un tatouage tribal dans le bas du dos? Ok, d'accord. Hey, arrête hein. C'est qui a des chaussures de foot accrochées au pare-brise? C'est qui a une queue de renard, hein? Voilà. C'est une queue de renard accrochée au rétroviseur à l'intérieur de sa bagnole. C'est qui a un klaxon qui fait ça? Oh là là, c'est reparti. C'est qui oh, c'est qui est fan de Vincent Lagaffe? Ah, c'est moi, frère. C'est vous. C'est qui s'est imité Bill du Big Deal? Ouais, bonjour mon ami Vincent. C'est qui a pété à ta bière? C'est moi, je crois. Je crois c'est moi. Et en plus, ça pue, frère. Je m'incline, pardon. Alors, c'est qui a une casquette Picard? Je l'ai eu chez Picard, la casquette. Gratos. C'est qui la porte tous les étés? Moi, je vois la pétanque. C'est toi ou c'est moi? C'est moi. 1-0. Je retire ce que j'ai dit. Alors, on est des vrais beaufs ou pas? Vous êtes des vrais beaufs. Merci. Faites sonner le clairon pour Jérémy. Salut Bruno, salut la famille. Excuse-nous. Salut Jérémy. Jérémy, tu sais quoi, t'as raison de prendre cette voix là tout de suite parce qu'à mon avis tu vas être en galère toi. Je préfère te prévenir. J'ai déjà vu ce genre de sujet, ça se finit rarement bien. Jérémy, tu m'as écrit à bruno@funradio.fr. Ouais. Tu es à Tours, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu es en couple avec Caroline depuis 3 ans. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans votre couple? C'est quoi le problème? Ben, en fait, voilà, ça fait un an qu'on vit ensemble et tout. Au début, tout allait bien, c'était tranquille. Et puis là, maintenant, j'ai l'impression qu'elle se laisse un petit peu aller. Mais à quel niveau? Au niveau épilatoire. Mais juste à ce niveau-là? Non, mais en fait, elle s'épile hein, au niveau des jambes et tout, machin. Mais j'aimerais... c'est vrai qu'on s'en a fait une petite blague, elle et moi. J'aimerais qu'elle s'épile un peu plus le Chewbacca, comme on dit. Non, on le dit pas. On le dit pas. Bienvenue dans le clan des beaufs. Hein. Ah oui, non, mais je suis dans le sujet. Prends une chaise, assieds-toi à côté de nous. Mais attends. C'est-à-dire que, de façon polie, tu peux dire. Le minou, ça arrive, tu dis, la fille s'épile. Non, je suis chauffeur poids lourd, quoi. Et le minou, tu vois, c'est un côté. Le Chewbacca. On est quand même sur ça, bon, après, chacun son truc. Mais d'accord. Jérémy, t'as pas tenté de lui en parler plutôt parce que là, on va se marrer entre nous à la radio, mais elle, peut-être que ça va pas du tout la faire rire. Ben, le truc, c'est que voilà, je sais que quand je lui ai un peu parlé et tout, c'est devenu une blague en fait, et j'ai l'impression qu'elle me prend plus au sérieux. Ah, d'accord, ok. Mais n'empêche, c'est vrai ça. Les meufs, pourquoi une fois que vous êtes en couple, vous épilez plus? Mais c'est faux, moi je me suis jamais laissé aller. C'est sûr que c'est une routine, quoi. Mais non. Bon. Je te jure que toutes les filles sont pas comme ça. Bah regarde toi par moi, exemple. Moi c'est pas le cas. Bah la moustache. Mais arrêtez. Ouais, non, alors, en vrai vous dites ça tout le temps, mais demandez à mon mec d'ailleurs, je suis toujours hyper bien épilée. Un contrôle, tiens, vas-y, contrôle Bruno. Non, là j'ai une paire de couilles, je vais pas l'enlever. Hein. Mais je suis toujours au taquet. Bon, Jérémy, pendant que je suis en train de te parler, il y a Caroline qui attend au standard. On lui fait la chanson et après tu te débrouilles avec elle, d'accord? OK. Tu bouges pas. Bonjour Caroline. Bonjour. Caroline, je m'appelle Bruno Guillon. Et tu es en direct sur Fun Radio. Oui. Et si tu es sur Fun Radio ce matin, Caroline, c'est que j'ai un message pour toi. Ok. C'est une chanson. Mm-hmm. Il faut que tu écoutes les paroles. T'écoutes les paroles de la chanson pour qu'on coupe du bois. Et on en parle après, c'est un message de la part de Jérémy. Tu vois qui est Jérémy? Oui. T'écoutes les paroles, on en parle après? Ok. Et c'est parti. D'abord, je voudrais te dire que je t'aime, sauf que là j'ai un problème. Au début, ça me faisait marrer, mais là tu te laisses trop aller. J'en ai marre de retrouver plein de poils dans le lit. Ce n'est plus possible, tu ressembles à un yéti. Ça doit sûrement te tenir chaud, ça me permet de me gratter la peau. Mais là, il y en a beaucoup trop. Ça devient pas beau. Écœuré, dégoûté, j'en ai marre que tu ne t'épiles pas. Écœuré, dégoûté, je serai. Toi, Minou, payer avec ce que t'as enlevé. Oh, c'est mignon. Et vive le romantisme. Et déjà, je trouve que tu le prends bien, ma chérie. Non, c'est trop drôle. Bon, Caroline. Alors, oui. Autant, franchement, je me suis marré aussi. Autant c'est bien que ça te fasse rire, autant oui. Ça te fait marrer visiblement depuis un an, depuis qu'il t'en parle. Sauf que lui, à travers la chanson, veut vraiment te dire oui, d'accord, c'est sympa d'en rire, mais il trouve vraiment qu'il faudrait que tu fasses des efforts quand même, Caroline. Je peux comprendre. Bah, tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, il aimerait arrêter de jouer sur un terrain avec de la moquette, quoi, tu vois. Jérémy. J'ai essayé de faire passer le message, j'essaye d'être sérieux, c'est compliqué, oui, non, tu vois mais... ce que je veux dire. Bah, écoute, vas-y, Jérémy, t'es en direct avec Chewbacca. Coucou mon cœur. Oui, bah voilà, je sais que c'est une blague entre nous, mais à un moment donné, s'il te plaît, chérie, fais ce qu'il faut, quoi, j'en ai marre. Alors faudrait que... Un sabre laser, je sais pas, fais quelque chose, quoi. Franchement, je sais pas si t'as déjà essayé, mais franchement, ça fait trop mal l'épilation. Alors si tu veux, okay, je le fais s'il faut. C'est pas un problème. si tu veux, je t'épile le maillot. Oui. Et si t'arrives à supporter la douleur, je m'épilerai après. Ah, j'aime bien ce deal. C'est vrai que c'est hyper douloureux. On j'ai un vrai truc sinon qui peut vous aider. Là, je viens d'aller voir sur Google. C'est 99,90€ le débroussailleur thermique. destockoutils.fr. C'est cher, mais ça vaut le coup peut-être. Et Jérémy, elle a mis un deal en place. Tu le fais, elle le fait. Alors, on l'entend plus là, du coup. Hein. Jérémy. Il Jérémy. Ah, il nous a mis un double appel. Il est au téléphone avec Cartel 2 en même temps. Il est en train de jouer. Il joue un jeu. Jérémy. Bon, on a perdu Jérémy. Il est où? Mais je sais pas, il est en train de jouer au tac-tac. Ouais, regarde, il fait un bruit. Clac, clac, il fait un bruit derrière. Je sais pas. Peut-être qu'il a commencé avec une pince à épiler. Caroline. Oui. Tu sais quoi, ton sourire et ton rire font plaisir à entendre. Ouais, mais ça annule pas les poils. Hein. Mais ça annule pas les poils. Jérémy, t'es revenu? Oui. Mais t'étais où, mec? Mais ça a coupé, j'y peux rien. Bon, Jérémy, tu le fais, elle le fait, c'est un bon deal. Ah oui, moi, y a pas de problème. Tu le fais, d'accord, très bien. Bon, bah, et donc, Caroline. Oui. Donc, tu le fais aussi. Bah, si je le fais, il faut qu'il garde quand même la barbe, qu'il se relaisse pousser la barbe. Non, mais là, je crois qu'il parlait des bouliches. Hein. Il parlait du coup de polish sur les bouliches, Caroline. Caroline, Jérémy, on vous embrasse tous les deux, les amis. Ok, pas de soucis. Bonne journée. Ciao, ciao. Bisous. Alors, ouais, franchement, elle l'a bien pris quand même. On peut pas appeler ma meuf demain, non? Pourquoi elle a le même problème? Non, pas son nana, mais les jambes ça gratte quoi. Les jambes c'est chaud. Je trouvais ça pas mal. Ma formule, tu vois, je pourrais ouvrir un cabinet esthétique, coup de polish sur les bouliches, c'est pas mal. Ah ouais? Et avec une musique. Sur la devanture. Sauf qu'en vrai, l'épilation des bouliches, c'est pas très commun. Oh non, hein. Un coup de polish. Où ça? Sur les bouliches. Coup de polish sur les bouliches. Par Bruno Guillon à Vendôme. Ça peut être pas mal. DJ, Snake, Justin, Bieber, ça arrive sur Fun Radio. À tout de suite. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. Félix J. Hi, it's Zara Larsson on Fun Radio. Feder. It's the Chainsmokers on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Qui fait mieux que Conforama? Ce week-end, du 30 septembre au 2 octobre, Conforama vous offre 50€ en bon d'achat par tranche de 300€ d'achat sur tout le magasin. 50€ offerts ce week-end! Et oui, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Bon d'achat valable sur le meuble et la déco, hors cuisine. Voir conditions sur conforama.fr. En ce moment, chez Carglass, pour toute intervention vitrage, on vous offre vos balais d'essuie-glace avant. Et en plus, c'est des Bosch. Une offre comme ça, faut pas la rater. Alors, prenez rendez-vous maintenant. Carglass répare, Carglass remplace. Offre valable jusqu'au 29 octobre dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur carglass.fr. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio. Fun Radio. Sur iPhone. Et Fun Radio. Fun. Le son. Dance floor. selfish burden, take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. When all is lost, I will comfort you. So give me your love. Y a une casse qui vous manque, quoi. Bruno dans la radio. 6h-9h. C'est Fun Radio. 7h48, c'est Fun Radio. Merci d'être là, la famille. On est en direct, comme chaque jour, funradio.fr. Il y a la vidéo, je vous le dis, parce que vous pouvez voir l'émission. Il y a beaucoup de gens qui postent des photos d'eux en train de prendre leur petit-déj devant leur écran d'ordinateur ou devant leur tablette ou devant leur télé et en train de regarder l'émission. On vous fait des coucous, les amis. On est en direct, donc forcément, on peut être filmé en direct. Mike Perry. Ça va arriver, il y aura Martin Garrix. Martin Garrix, il est sur la compile Bruno dans la radio. Elle est sortie samedi, la compile Bruno dans la radio. Et d'ailleurs, samedi prochain, on sera en dédicace avec Elliot à l'espace culturel du centre Leclerc de Quimper. C'est bien ça ? C'est la classe, ouais. Tu sais qu'ils ont appelé Christina hier, on peut dire. On peut oui, dire. Oui, on peut dire. Dans le bureau pour savoir ce qu'on voulait boire pendant notre dédicace. Mais je te jure, je te jure. Bah, t'as dit quoi alors du coup ? Bah, du coup, j'ai demandé à Elliot. Elliot m'a dit ce sera à quelle heure ? Et donc c'est 17h je crois. Donc j'ai dit de la vodka Red Bull et du rosé. Mais non, je déconne, je déconne. Non, on a dit le truc basique, de l'eau quoi. Ce que vous voulez, on a dit. Non, mais j'ai dit de l'eau des volcans. Bah. Non, mais c'est ça qu'ils font les stars, je crois qu'elles boivent de la Fidji, un truc comme ça. C'est, sinon en bouteille qui vaut hyper cher. Non, moi je sais quoi, une bonne cristalline, ça m'ira bien, vous faites pas chier. Bah. 32-28, tiens, on a des fidèles dans l'émission qui nous suivent depuis une éternité, vraiment. Il en fait partie, Laurent, c'est Lo Clo Clo sur Facebook. Ah, bah, salut Lolo, ça va mon pote? Salut Bruno, salut la famille. Salut Lolo. Laurent, il a balancé une idée sur Twitter et du coup j'ai dit, parce que c'est important de penser aux nouveaux auditeurs, c'est bien aussi de penser aux fidèles qui nous ont amenés où on est là aujourd'hui. Et surtout qu'ils sont plutôt jeunes, hein, donc il faut prendre soin d'eux avant qu'il soit trop tard, hein Laurent. La grande faucheuse. Laurent, il veut faire un battle du grenier. Ah cool. Ouais, j'avais, une... Ouais, j'avais repensé à un titre ce matin, là, un petit Global DJ, Hardcore Vibe. Ah, c'est une bonne idée. Oui. Vous vous souvenez, Hardcore Vibe, c'était ça. J'adorais ce truc. Ah ouais. Alors du coup, t'as proposé ça sur Twitter et j'ai dit là pendant la pub tout à l'heure, je dis est-ce que quelqu'un est prêt à affronter Lo Clo Clo, donc fidèle auditeur de Fun, avec un autre morceau, parce que le principe de la battle du grenier, Laurent, c'est que les auditeurs votent pour choisir le titre qu'ils veulent entendre sur Fun Radio. On est d'accord. Et oui. Et donc il y a Fonf qui réalise cette émission, ouais, qui a dit moi j'ai un titre à opposer à ce morceau de Global DJs. Moi je suis team Global DJs. Ouais, moi je suis Team Swedish House Mafia avec Pharrell Williams. Oh merde, tu fais chier. 2010, putain. Au One. Ah, je rejoins cette team direct. Désolé mon Lolo. Là, quand ça part. Ouais, ah, bien sûr. Là, témoin, là, témoin. Oh merde, merde. Oh, mais oui, mais là, vous. Ah, les deux juste. Sont pas mal, mais moi je suis team, bon, team Lolo. Moi. Tu sais quoi, vraiment, parce que voilà, ce sont les auditeurs qui font cette émission, je me range du côté de Laurent. Mais il fait plaisir quand même, Sweet. M'en fous, c'est moi qui diffuse. On met les deux morceaux sur Facebook, on se dit quoi d'ici 20 minutes. Voilà, vous votez Facebook, que sur Facebook et Twitter. Facebook.com/Bruno dans la radio, où vous suivez avec le hashtag Bruno Fun Radio. Vous likez le son que vous voulez entendre, soit les Global DJ, soit la Swedish. Et on voit ce qu'on écoute dans 20 minutes. Je te reprendrai à l'antenne à ce moment-là. D'accord, mon Lolo? Ça roule, ça marche. On t'embrasse, mon pote. À tout à l'heure. 32-28. Est-ce qu'on a le temps de se refaire une petite série là sur le hashtag Tu sais que tu es fatigué quand? Mais évidemment. On l'a lancé ce matin, en l'espace de 10 minutes, c'était déjà le sujet dont on parle le plus sur Twitter, et ça continue de tourner, et ça fait plaisir. Il y a Vaché, je vais citer Vaché parce qu'il est drôle, même hors antenne. Ah, merci. Et tu sais que t'es fatigué quand tu as mis 12 minutes pour écrire ce hashtag. C'est vrai que le hashtag, tu sais que tu es fatigué quand, il est quand même très très long. Et c'était vraiment une galère à faire. Il y en a plein qui arrivent sur Twitter, ouais, Christina. Il y a par exemple Cléricolity qui dit tu sais que tu es fatigué quand tu t'endors au feu rouge. Ça, on est d'accord. Il y a Carole qui dit tu sais que tu es fatiguée quand tu rigoles toute seule pendant 15 minutes sans aucune raison. Ou ouais, alors à un mot débile, ça marche aussi. Hein. Lady Oscar, tu sais que tu es fatiguée quand la gendarmerie t'appelle un mardi matin pour te dire qu'ils ont ton gosse depuis 3 jours. Pardon. On a qui? On a Romuald, il est à Toulouse. Salut Romu. Salut Bruno. On t'écoute. Alors, tu sais que tu es fatigué quand tu essayes de démarrer ta voiture avec la clé de la boîte à lettres. Oui, ça c'est vrai. Ouais, ouais. Ça c'est très très très fatigué. Et le pire, c'est que des fois, elle rentre dans le Neyman et t'es comme un con parce que t'arrives plus à l'enlever après. C'est ça. On te fait des bisous, mon pote. Bonne journée. Oui, Elliot. Il y a Jérôme 69 qui dit tu sais que t'es fatigué quand tu tartines ton téléphone avec du Nutella, ouais, à la place, voilà, de ta tartine. C'est pas possible. Bah, si t'es vraiment fatigué, si... Il y a une auditrice qui a fait la même truc, ouais, tout à l'heure, mais avec du sopalin. Quoi? Tartiner du sopalin et du Nutella. Il y a Mathilde qui dit un peu aussi en termes de bouffe, tu sais que tu es fatigué quand ton mari pose la gamelle du chien sur la table au lieu de son café. C'est ça. Et que le chien est en train de boire un café peinard en lisant le journal Sud-Ouest. Alessandra, 16 ans, à Lyon. Salut Alessandra. Salut la famille. Salut. Tu sais que tu es fatigué quand? Alors, tu sais que tu es fatigué quand tu te mets du mascara à la place de ton rouge à lèvres. Ah, wow. Ah, carrément, ça nous parle trop à nous, les mecs. Bah non, mais du coup, t'as les lèvres noires, c'est chelou. Ouais, c'est ça, ça m'est arrivé hier, c'était horrible. Et là, tu sais quoi, Alessandra, les lèvres noires, ça peut me chauffer, moi. Ah, en mode gothique. Ouais, en mode gothique. Oui. Mais t'es un peu. C'est pas mon genre, mais. Tu le sens normalement, le mascara. Enfin, j'y connais rien, mais c'est sur bah, une espèce, oui, de petite brosse. Oui, oui, c'est ça, mais du coup, j'ai pas réagi sur le coup et je me le suis mis sur les lèvres. Bah, tu le sens surtout quand t'as du rouge à lèvres dans les yeux, après. On te fait des bisous, Alessandra. Parce que moi, ce qui m'est vraiment arrivé, par contre, c'est mettre du rouge à lèvres en pensant que c'était du Labello. Genre quand tu pars au ski ou quoi, tu veux prendre, ah, dans la trousse de ta, ah, meuf. Non, non, mais c'est l'excuse que t'avais donné, non, à tout le monde. Ouais, ouais. T'avais quand même une jupe et des escarpins, ça fait quand même beaucoup d'erreurs, je trouve. En tout cas, c'était une super soirée. Il s'appelait Sébastien. J'espère que s'il entend ma voix, il m'enverra ne serait-ce qu'un texto. C'est la moindre des politesses. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air I breathe. I let you in. Keep me warm. The Ocean, Mike Perry, c'est sur la compile Bruno dans la radio, ça aussi, qui est sorti vendredi dernier, 7h56. Journal pour une image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI, l'homme qui a attrapé tous les Pokémon Go est retourné s'asseoir sur son canapé. Sport, le nageur Florent Manaudou a annoncé qu'il faisait une pause dans sa carrière pour se consacrer au handball. Espérons que ça donne des idées à son beau-frère des frérots de la Vega. Fashion Week, attention, s'il y a de la musique et que vous ne voyez personne défiler sur les podiums, c'est que les mannequins sont de profil. Disney envisage de racheter le réseau social Twitter. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony. Anthony. Oui. Vous n'avez rien à dire au sujet de Disney qui rachète Twitter ? Non, rien, je voulais juste vous faire chier avec la musique de la Maison des Poupées. Voilà, bonne journée ! Ouais, enfoiré. La suite. Et pour finir, si vous aimez les chanteurs et le caca, découvrez Matt Popokora. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Matt Popokora, très bien. C'est prends. Mignon. Je prends. C'est ce qui arrive là dans la demi-heure sur Fun Radio. Il y aura Martin Garrix et Alex Ayono avec One Dance. Les amis, je suis tombé sur un classement. Je suis tombé sur le classement de la ville, des villes françaises par rapport aux ventes de capotes. Les villes où il se vend le plus de préservatifs ? Exactement. Bah, ce qui est bien, ça veut dire que c'est top. Protège plus. Bah, bien sûr. Et peut-être aussi qu'il y a plus d'activités sexuelles dans une ville que dans une autre. Oui. Bah après, c'est peut-être en rapport avec le nombre d'habitants aussi, non ? Bah, c'est une grande ville. Oui, forcément. S'il y a deux habitants, effectivement, on sait que les gars sont un peu chauducs. Hein, et d'après vous, c'est qui ? Bah, Paris. Non, c'est pas Paris. Alors, ah je bon dis plus le sud, genre Marseille. Non, c'est pas Marseille. Toulouse. Bien, c'est la ville rose. C'est la ville rose, ça porte bien ce nom. Hein. Bien joué, quoi. C'est Toulouse. C'est Toulouse, la ville où on vend le plus de capotes. D'accord. Allez, bonjour. Et Fun Radio numéro 1 à Toulouse, je tiens à le dire. Et ça donc rime quoi pas avec n'importe quoi non plus. Ah, mais c'est vrai. Allez, à tout de suite. Let the beat. Fun Radio est la seule radio à vous envoyer à Las Vegas faire la fête avec DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake. Fun Radio, c'est ma radio. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec deux tubes de DJ Snake à la suite. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez direction Las Vegas pour voir DJ Snake en live. Comment ça va ? Fun Radio. C'est le double fun sur Fun Radio. 3228. Service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, là c'est pas bon. Ah, pour Lidl ? Mais non patron, pour nous, ils lancent une gamme de produits bio. Des œufs, des yaourts, du lait, la totale quoi. Bah mais du coup, les prix sont aussi bio. Ah bah non, hein, ça vaut vraiment le coup. En ce moment par exemple, l'huile d'olive vierge extra et bio est à 3,59€ les 50 centilitres. C'est les salades. Bah non patron, l'huile d'olive bio vierge extra à 3,59€, eh bah c'est le vrai prix. Oh, on est mal, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 7,18€ le litre. Offre valable jusqu'au mardi 4 octobre. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. Jiffy fête ses 35 ans et nous fait gagner 35 millions d'euros. Tu télécharges l'appli Bravo Loto 100% gratuite, tu joues et tu gagnes. Je sais, j'ai déjà gagné. Chanceuse. Combien ? 250€ de bon d'achat sans condition. Et il y a aussi le jackpot minimum de 10 000€ en cash tous les soirs. Jouer en téléchargeant l'appli Bravo Loto 100% gratuite. Voir règlement sur jiffy.fr. Jiffy, des idées de génie. Bougez pas, Bruno. Mercredi, c'est le 26 septembre, c'est Fun Radio. Vous restez ici, il y a Brioche ou Croissant, là, ça arrive dans quelques secondes. C'est qui ce matin ? C'est Nadège des Marseillais qui avait gagné Secret Story il y a 3 ans maintenant. C'est qui ce matin ? Nadège des Marseillais. Allez, à tout de suite. Fun Radio. Le son. Dance. Fleur. L'actu de ce mercredi, 28 septembre, donc avec Maxime Poulaouec. Bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Allez, la météo, on continue avec du soleil aujourd'hui. Quelques nuages un peu de pluie au nord en tout début de matinée, mais ça va très vite se dégager entre la région parisienne et Hauts-de-France. Les températures sont en hausse, 12 à 17 degrés ce matin. Dans l'après-midi, prévoyez 18 à Brest, 19 à Dunkerque, 20 à La Rochelle, 23 degrés pour Tours, 24 degrés à Paris, 25 à Lyon et à Ajaccio, jusqu'à 28 à Nîmes. La mort de Shimon Peres, l'ancien président israélien et prix Nobel de la paix, est décédé cette nuit à l'âge de 93 ans. Il a été victime d'un AVC. Il était l'un des principaux artisans des accords d'Oslo à qui ont jeté les bases d'une autonomie palestinienne dans les années 90. Vers une hausse de la taxe Atlanta, selon l'Argus de l'assurance, la contribution pourrait passer de 4,30€ à 6,50€. Ce serait l'une des pistes envisagées par Bercy pour réformer le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme. Cette taxe est prélevée sur chaque contrat d'assurance depuis 1986. 3 ans et 10 mois, c'est le temps que passe en moyenne un Français dans sa voiture au cours de sa vie. Résultat d'une enquête CSA pour Citroën dévoilée ce matin dans Le Parisien aujourd'hui en France. Et un Français ne fait pas que conduire dans sa voiture, il y chantera à 4800 reprises et parlera tout seul 3600 fois. De la natation au handball, il n'y a qu'un bras. Florent Manaudou a choisi hier de faire une parenthèse. Le champion olympique va désormais jouer au handball. Il intègre l'équipe réserve d'Aix-en-Provence. Son passage en professionnel est loin d'être acquis, mais Manaudou veut avant tout prendre un plaisir différent et s'offrir une bulle d'air. Le football, pas de victoire pour les clubs français en Ligue des Champions. On jouait hier soir la deuxième journée des phases de groupe. Un but partout entre Monaco et Leverkusen. Défaite 1-0 de Lyon en Espagne sur la pelouse du FC Séville avec un but de l'ancien Toulousain Wissam Ben Yedder. Ce soir à 20h45, le PSG se déplacera en Bulgarie pour affronter Ludogorets. Il est 8h03, vous avez choisi Fun Radio. Merci Bruno, dans la radio continue jusqu'à 9h. Bruno on Fun Radio. Mercredi, c'est le 28 septembre, c'est Fun Radio que vous écoutez. Il est 8h04. Bonjour. Bienvenue sur Fun Radio, toute l'équipe de Bruno dans la radio est là comme chaque matin. Il y a Christina. Bonjour. Il y a Vaché. Et bonjour à tous. Ça va mon Vaché? Ça va super, écoutez, je suis un peu stressé en ce moment mais ça va. Pourquoi t'es stressé? Parce qu'on approche de la naissance. Ouais, il y a le bébé qui arrive, plus un déménagement. Ouais, je vous avais dit que je fais le combo là, voilà, donc faut qu'on achète tous les meubles. On n'a rien acheté pour le bébé qui peut arriver à tout moment. Ouais. Donc on n'a rien pour l'accueillir. On n'a pas d'appartement pour l'instant parce qu'il y a eu un dégât des eaux. Ouais. On n'a pas de meubles. Ouais. Ni pour nous, ni pour le bébé, on n'a pas de cuisine. Voilà. Ça et va. Puis, ma femme elle dort pas de la nuit là, donc je dors pas non plus. Très bien. Écoute, voilà. En pleine forme. Parce donc. Que le bébé lui appuie sur la, enfin je peux pas dire sur la figue pour rester dans l'esprit légumes. Voilà, voilà, un peu cher. Et puis donc c'est même pas quoi. Heureusement je vous ai vous. Voilà. Heureusement que je vous ai vous. Sinon je me serais barré. Bah, vous y êtes pris un peu au dernier moment quand même, non? Tout ça, le déménagement, les meubles. Non ouais, mais c'est quand le terme? C'est le 14 octobre. Mmh. Ouais, depuis le 14 septembre, les médecins disent voilà, il peut arriver large. À tout moment. Voilà. Ouais. Mais c'est bien d'accoucher quand t'as pas d'appart. Elliot, ça va. Tiens, Elliot, je pose la question parce que sinon j'ai la peur d'être le dernier crevard de l'équipe. Oui. T'as mis dans la cagnotte du futur bébé de Vaché parce que je crois que ça s'est arrêté hier. J'ai oublié de non, mettre des sous. Non, c'était vendredi dernier. Ah, j'ai oublié de mettre des sous. Bah voilà. Ouais, c'est bien, c'est un truc où il faut acheter des produits. Alors moi, ça m'a fait marrer. C'est une liste de naissance. Oui. Oui. T'as acheté? J'ai acheté, ouais. J'ai mis des produits de genre où il pourra penser à moi, dégueulasse. Genre, j'ai pris le mouche-nez. J'ai toujours rêvé d'utiliser un mouche-nez. Genre, voilà. Après, j'ai pris que des couches. Des couches. Et le truc pour changer le bébé, je dis comme ça, quand tu le changeras et que t'auras les mains dans le caca, tu penseras à moi. J'ai oublié. Je vous ai prévenu. Mais qu'est-ce que je peux faire? Fais-lui un virement. Tu achèteras un cadeau quand le bébé sera né, sinon. Alors attention, la liste de naissance, on a donné une date finale qui était fictive en fait. Ah, c'est pas terminé? C'est-à-dire que vous savez comment on est organisé. Je vous ai dit qu'on n'avait pas d'appart, etc. Ouais. Voilà, donc la liste, en vrai, normalement, elle devait être finie. Mais c'est encore bon pour une semaine. Hein. Ah d'accord. Dès qu'il est question de récupérer de la thune, de toute façon. Sur la thune, par contre, ouais, on est assez open. Hein. Même dans 18 ans, tu vois, si je voulais offrir un truc, on sera là. Brioche ou croissant, c'est tous les jours, 8h du matin. On prend une personnalité et on lui demande à choisir d'abord entre brioche et croissant et après des choix cornéliens. Ce matin, c'est Nadège des Marseillais. Oui. Nadège des Marseillais, elle a fait quoi? C'est quoi son CV? Alors, elle a été gagnante de Secret Story, c'était il y a 3 ans. Ouais. Et donc, elle est dans les ch'tis et les Marseillais vs le reste du monde. Et elle est donc dans la team. Le reste du monde, c'est tous les jours sur W9. Elle est plus connue que les autres, celle-là. C'est, ah oui, non, non, mais là, c'est la connue du programme. Vous savez quoi? Vous savez quoi, les amis? Vous savez quoi? Ouais. La rubrique brioche au croissant, vous savez quoi? Ouais. C'était une des nouveautés du début du mois de septembre, j'ai l'impression. Ouais. Oh. Ah, tu vas la mettre au cimetière, celle-ci? J'ai l'impression, à mon avis, hein, je vous annonce. Hein. On va voir. Hein. Mais c'est vrai que depuis qu'on l'a lancée, on a eu quoi? On a eu 4 personnes qu'on connaissait vraiment. Oh non, c'est faux, t'exagères. Hier encore, c'était Maître Gims. Ouais, non, mais moi, je le compte dans les 4. Et avant-hier, Jean-Marc Deschti. Non, vous abusez. Hein. Ça sent le décès de Maria. Ouais. Mais non, mais sur papier, c'était génial. On s'est dit, ouais, on pourra faire ça avec Jean Dujardin. Ouais. Bon, pour l'instant, on a Nadège. Ouais, et demain, c'est mon oncle, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse l'enterrement aujourd'hui? Non, oh, non, on va pas enterrer avec Nadège. Pourquoi pas? On écoute déjà Nadège. Alors, brioche ou croissant? Brioche ou croissant? Go! Croissant. Tony Montana ou Rocky Balboa? Tony Montana. Dessus. McDo ou Burger King? McDo, sans hésiter. Un bon Big Mac avec un filet au fish à côté. Santé de fer ou tout le temps malade? Santé de fer, on n'a pas le temps d'être malade. Calme ou énervé? Plutôt énervé, je crois. Un peu hyperactive, un peu énervée et un peu énervante aussi. Sauce poivre ou sauce roquefort? Sauce au poivre, au Matignon de préférence. Vernis rouge ou transparent? Rouge pétant. Culotte ou string? Culotte ou string? Bah, ça dépend si on est en jupe ou pas. Si on est en jupe, vaut mieux la culotte quand même, c'est un peu plus sûr. Maillot de bain, une ou deux pièces? Deux pièces. Ah oui, non, j'ai un très long tronc, ça me va pas du tout si j'ai une pièce. J'adore cette phrase. J'ai un très long tronc. Je sais pas, non, coupez la musique, s'il vous plaît. À un moment, on peut rire de tout, puis des fois. Ah, ça y est, on y est. Bon. Les amis, je vous ai réunis ce matin dans le studio de Fun Radio pour rendre un dernier hommage à cette rubrique brioche ou croissant que nous. Oui, je vais prendre cet accent-là. Mon père, vous venez d'où? Hein? Vous venez d'où, mon père? Je viens des voix de Dieu qui sont impénétrables. Oui, mais sur l'accent, il vient d'où? Parce que je crois que c'est du Portugal. Ça mélange. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, vous avez baroudé, quoi. Mais bien, chers amis, nous sommes réunis, histoire de peut-être... Non, tu vois, ça le faisait pas. D'accord, ok. Je crois que cette idée de rubrique que nous avions eue à la rentrée aura vécu. Et après 3 semaines, je pense que nous allons enterrer avec les honneurs cette rubrique brioche ou croissant. Est-ce que vous avez reçu mon colis, mon père? Et nous resterons sur cette dernière phrase. J'ai un long tronc. Je pense que là, le long tronc, la personne a perdu tout le monde. Hein, je vous le dis. Hein. Et la sauce au poivre, c'est que au Matignon. Hein. Restaurant dans le 8e arrondissement. Moi, je suis quand même. Ouais. Mais tu vois, des fois, c'est bien. Moi, je dis, vous savez comment ça se passe, cette émission? On essaye au quotidien d'apporter des nouvelles idées, etc. Des fois, ça marche, des fois, ça marche un peu moins. C'est ça, c'est comme des fois, tu veux faire des enfants. T'en fais plein. Et il y en a un, bah, tu l'aimes pas, bah, tu l'abandonnes. Ah, c'est normal. Et ben, on l'abandonne. Voilà, c'est tout. Oh, on le met dans la forêt. Voici Martin Garrix. If I told you, this was only gonna hurt. If I warned you, that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all. On a lancé un battle du grenier ce matin sur Fun Radio à l'idée de Lolo, là, un fidèle auditeur de l'émission, qui nous a dit tiens, pourquoi vous faites pas un battle de grenier avec entre autres ce titre. Global DJs, ça a quoi, ça a 5 ans ce dos? Ouais, à peu près. En gros, ouais. Toujours la précision ici, toujours. Ouais. Hardcore Vibes, Global DJs, vous voulez écouter ça, vous allez sur facebook.com, vous likez Hardcore Vibes de Global DJs. Ça, c'était l'auditeur qui avait choisi, mais on a dit faut que quelqu'un de l'équipe choisisse quelque chose, c'est le bien principe sûr. Du battle. C'est Fonf qui a choisi un dos. Ouais, c'était Swedish House Mafia avec Juan, j'entends avec Pharrell Williams. Extrait. Les deux sont bien. Ah, et bien sûr aussi. Moi, je me suis mis du côté de l'auditeur, bien sûr, du côté de Lolo. Mais là, pour l'instant, les tendances à Nicolas au web, on est sur quoi là? Alors, sur Twitter, c'est plus Global DJ. Ouais. Et sur Facebook, c'est plus One. D'accord, et sur Minitel. Je vais me renseigner. Tu te renseignes et on écoute le morceau là avant 8h30. Je voudrais vous lire un mail que j'ai reçu à bruno@funradio.fr. Il y a Clémence qui m'a balancé ça tout à l'heure. Je viens de récupérer la monnaie de ma machine, de ma collègue qu'elle a oubliée dans la machine à café. Ce qui me fait rire. Ah, je viens de le faire à l'instant. Et elle a signé avec Thug Life. Ah ouais, ouais, gros. Thug Life, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Moi, je suis assez pour qu'on en fasse un ce matin. Le Thug Life, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit moment de rebelle, mais qui est tout pourri en fait. On a l'impression, tu vas d'être un gangsta, alors qu'en fait, on a fait un truc tout naze, mais on est super fier de soi et on fait bra bra bra Thug Life. Je vous donne un exemple. En début de semaine, je suis allée chez mon dentiste. C'était marqué sonner avant d'entrer. Je suis rentrée sans sonner. Thug Life. C'est quoi, toi, que t'as eu, Elliot? Moi, hier, je suis allé au resto sans t-shirt sous ma veste et sans caleçon sous mon jogging. Gênant. Exhibitionniste life. Ouais. Bon, hey, les amis, voilà, vous balancez vos moments Thug Life, là, 32-28. Et on va faire de la radio ensemble avec vous, là, avant 8h30. Bruno. Allô? Paye vos factures. Oh, il est adorable. Tous les jours, à 7h10 et à 8h10, mettons 8h15, je vous en mets un peu plus, ça ne fait rien. On paye de la facture en direct sur Fun Radio. Et ça peut tomber sur vous si vous envoyez vos factures par courrier à Fun Radio, 20 rue Bayard, 75 008 Paris, ou bien par mail à facture@funradio.fr. Et si on vous appelle en direct le matin, la facture, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi, c'est cadeau, c'est payé, c'est pour moi. On part à Lille. Non, c'est bon, arrête d'applaudir, Cassina. Quand il arrête de chanter, ça sert à rien. On part à Lille chez Lucie. Allô? Lucie? Attention. Oui? Non. Bonjour Lucie. Lucie, quel est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio! Oh, génial! Oh, merci. Ah, Lucie! Non, je le savais! Ah, non. Lucie, réveille toi! Pardon, excusez-moi. Autant j'adore, il est argentin, mais autant je supporte pas. Mais sinon, j'aurais. Lucie! J'en ai plein des Lucie, hein, vraiment. Ah bon, mais c'est quoi ça? Il s'appelle Lucie. Non, il s'appelle, non. S'il s'appelle Lucie. S'il s'appelle ah oui, Lucie, c'est qu'il a un souci, hein, vraiment. Lucie, ma chérie, tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? J'ai 18 ans et je suis serveuse au Starbucks. Mmh. Ah, est-ce que tu écris toi aussi le mauvais nom quand on commande un mochaccino sur le truc? Oui, mais c'est juste pour embêter les clients. Ah, d'accord. Parce que ça, alors, je sais pas si vous avez un Starbucks Coffee à côté de chez vous, Starbucks Café, d'accord? Il y en a de plus en plus, là. Ça, ouais. Mais ça, maintenant, il y en a de plus en plus en France. Et ils ont une technique, c'est-à-dire quand tu rentres, tu commandes ce que tu veux boire. Donc, ça peut être un café allongé, machin, etc. Oui. Et tu passes à la fin à la caisse où il y a ton nom qui est marqué sur ton gobelet. Ouais, jamais! Jamais! Ils ne mettent ton vrai nom. Bah, pourtant, moi, Bruno, c'est pas compliqué. Moi, mais Tuno, Runo, Fruno. Jamais ils mettent un putain de B devant. Moi, j'avoue, ce qui me font rire, c'est genre les ados qui sont devant moi et qui font des blagues, genre je m'appelle Nicolas, mais je vais dire que je m'appelle Bernard. Marqué Bernard. Et là, il est OK. Là, ils sont là. Et c'est la blague, apparemment, que font le plus de chance sur Starbucks. Donc, si vous n'avez pas les moyens de vous payer un bon one man show, parce que c'est 70 balles la place, vous asseyez sur les tables du Starbucks et vous regardez les ados. Et est-ce qu'après, je m'appelle Charlie. Thug Life. Dans ton cul, je m'appelle Nicolas. Bon, Lucie. Calme-toi. 540 euros, c'est de la belle facture. Oui, c'est énorme. Qu'est-ce que c'est?

Moi j'adore. Halloween à Disneyland, c'est un truc de ouf, je vous jure, c'est super décoré et tout, quand la nuit tombe, c'est un vrai délire. Vous partez en famille, c'est pour 4 personnes, une nuit au Sequoia Lodge Hotel, avec la demi-pension, ça veut dire que vous avez le dîner ou le déjeuner, d'accord, oui. Et puis le petit-déj, et le pass entrée 2 jours en illimité pour les deux parcs. 32-28, battle donc dans quelques secondes avec, c'est qui a gagné hier? C'est moi, c'est je crois. C'est toi, ouais. Ouais, donc c'est moi contre quelqu'un de l'équipe. Vous choisissez, 32-28, on joue ensemble. À 8h22, voici le résultat de la battle du grenier. Enfin, ça a été super serré. On avait le morceau défendu par Laurent, auditeur de Fun Radio, qui a balancé l'idée ce matin avec le hashtag Bruno Fun Radio. Laurent, tu avais choisi Global DJs. C'est bien ça, mon Lolo. C'est ça, tout à fait. Et donc, le principe du battle du grenier, c'est que quelqu'un de l'équipe, forcément, propose un autre titre. Et donc, Fonf, tu avais choisi Swedish House Mafia avec One. Bon, Lolo. Ouais, je suis là, ouais. Bonne journée. Ouais, je préfère te le dire tout de go, mon poteau. Mais c'est perdu. C'était serré quand même. Ouais, c'était serré, j'avoue. Mais bon, cette fois-ci, les auditeurs de Fun Radio ont décidé. Nous repartons 5 années en arrière. Nom de Zeus ! Avec la Swedish House Mafia. On t'embrasse, Laurent ! Ciao, ciao, bonne journée ! Bisous, bon, bisous. Ça réveille, ça, c'est bien pour attaquer le mercredi. Ça te met vraiment dans un délire de club. J'adore. En pleine semaine, j'adore. Je veux savoir ton nom. Ouais, c'est ça. C'est nul en français. House Mafia sur Fun Radio. Wow. Sérieusement, il y a une case qui vous manque ou quoi? Bruno dans la radio. 6h-9h. Sur Fun Radio. Attention, les amis, c'est notre moment Thug Life. On le fait de temps en temps, ça nous fait rire. C'est le Thug, c'est le rebelle du pauvre. C'est le truc pourri, c'est parti là du message que m'a envoyé une auditrice en me disant putain ce matin il y a une collègue à moi qui a oublié sa monnaie dans la machine à café, bah je l'ai pris. Thug Live. On balance ces moments Thug à l'antenne, on a Yann, il est à Montigny-les-Cormeilles dans le 9-5. Bonjour Yann. Salut la famille, ça va? Ça va mon pote? Ouais, bah moi ce matin j'ai croisé un autostoppeur, il faisait son petit coup en l'air, normal pour que je m'arrête. je fais un beau sourire, je tourne mon pouce et je me barre. Thug Life. Thug Life, un peu méchant, mais Thug Life quand même, frère. Ça, c'est pas cool. Ouais, ça fait plaisir. Mec, je te souhaite jamais d'être dans la merde sur le bord de la route. Mais bon, allez, je le prends, je t'embrasse, mon pote. Il y a Julie, elle a 27 ans, elle est à Chantilly. Bonjour, Julie. Salut, Bruno. Salut, la famille. Salut, hello, frère. Balance ton moment Thug, ma chérie. Eh ben moi, j'ai mangé des princes sans passer par l'ouverture facile. Thug Life. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'ouverture facile? Si on découpe, c'est comme on veut, frère. C'est bon, ça. Bravo, Julie. Ça, c'est un vrai moment Thug Life. On t'embrasse, ma belle. Eh, Bruno, je t'ai dit, je suis en déménagement en ce moment. Tu sais, je fais des cartons. Ouais. Et hier, il y a ma meuf, elle fait une sieste et tout. Elle me fait, ouais, tu marques bien sur les cartons ce que t'emballes. Ouais. Ah, j'ai emballé des trucs, mais j'ai jamais trouvé le marqueur pour écrire ce qu'il y a dedans, moi. Or, j'ai fait quoi? J'ai scotché et j'ai rien marqué. Trouve où qu'elles sont les assiettes. Trouve où qui sont tes slips. Tu te démerdes. Voilà ce que je veux dire à ma meuf. Tu vas finir en zonce, gros. Ah, je sais. Kevin, il est à Metz, il a 28 ans. Salut Kevin. Thug Life habitait à Metz. Salut Kevin. On t'écoute, salut, mon pote. Alors moi, j'étais dans les toilettes d'une station alors que c'est marqué accès interdit au public. Là, t'es un gros thug. Toilette du personnel et du poste à pêche. Ouais. Moi, hey, j'ai fait un... Merci Kevin, j'ai fait un moment thug hier. Ah ouais. Ah, bon, tu dis, j'avais cette voix là ou tu avais la voix? Non. Une voix de thug. Ouais. Vas-y. Hier, je suis allé faire mes courses au Simply Market à côté de chez moi, tu sais. Bon, je suis passé à la caisse moins de 10 articles. Ouais. J'en avais 13. Oh, thug life. Youp, youp, assassin du Simply Market. Sib, ça arrive. Sur Fun Radio, là, dans quelques secondes. On a quoi? On a le jeu des 30 secondes qui va arriver. Et puis alors, je vois que Loosman m'a fait passer une fiche pour une auditrice qui devrait être là dans le quart d'heure. Karine Delby a marqué c'est une super maman. Pourquoi qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on parle de quoi? C'est une justicière. Pourquoi tu parles avec cette voix? C'est une justicière. Eh bien, dans quelques secondes, nous aurons une super maman qui signe son nom de la pointe du biberon. Allez, à tout de suite. Let the beat. Fun Radio est la seule radio à vous envoyer à Las Vegas faire la fête avec DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake. Fun Radio, c'est ma radio. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec deux tubes de DJ Snake à la suite. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez direction Las Vegas pour voir DJ Snake en live. Comment ça va ? Fun Radio. C'est le double fun sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. À votre avis, ça coûte combien de se faire livrer à domicile et à volonté toute l'année? 49 euros? Et non! Sur Cdiscount, c'est seulement 19 euros. Avec Cdiscount à volonté, faites-vous livrer dès le lendemain et ça toute l'année, autant de fois que vous le voulez, des millions de produits pour seulement 19 euros par an. Cdiscount? Vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Offre pour toute commande supérieure à 25 euros, soumise à condition, consultable sur Cdiscount. Fini les tours de passe-passe et les lapins qui sortent des chapeaux. À l'université de Break Bills, la magie n'est plus un jeu. Découvrez The Magicians, la nouvelle série exclusive, chaque mardi à 20h55 sur Sci-Fi, la chaîne du fantastique. Sci-Fi, une chaîne du groupe NBC Universal, disponible sur CanalSat et numéricable. C'est sensationnel. Enfin, ma chérie, on dit sensationnel. Mais non, maman, c'est sensationnel. À la Halle, c'est jusqu'à moins 50% sur plus de 3000 modèles. Ah oui? Et pour être mode de la tête aux pieds, c'est tout de suite maintenant. Moins 50%. Ah, ça, c'est sensationnel. La Halle, c'est vraiment vous. Offre valable jusqu'au 10 octobre. Conditions en magasin et sur lahalle.com. Mariono. Aujourd'hui, je rêve de m'offrir tous les parfums, le maquillage et les soins qui me font craquer. Bonne nouvelle! Jusqu'au 9 octobre, profitez des jours uniques chez Mariono avec 25% de réduction sur tout le magasin et l'institut. C'est le moment de céder à toutes vos envies de beauté. Offres et conditions sur mariono.com. Mariono, la beauté qui me ressemble. Un pour tous pour l'anniversaire Intermarché! Et oui, c'est parti pour 4 semaines. Pour l'achat d'un filet de pommes de terre de consommation Mon Marché Plaisir à 2,49€, le deuxième filet est 100% remboursé sur votre carte de fidélité. Mais c'est seulement jusqu'à demain. C'est ça l'anniversaire Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Origine France, catégorie 1, calibre 50-70. Filet de 5 kg, soit 50 centimes le kilo. Modalité magasin participant sur intermarché.com. Moi, valeureux candidat. Moi, trouver job grâce à méthode ancestrale. Moi, faire signaux de fumée pour envoyer un CV. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job en mode Apache. T'es sérieux, là? Bah oui. Mais sors de ton Tipeee. Faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Ah bah, je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. Bougez pas, Bruno. Le petit séjour à Halloween à Disneyland Paris, en famille ou entre potes, il va bien faire kiffer. C'est pour 4 personnes, ça se gagne maintenant. Vous appelez le 3228, vous êtes en Belgique. Qu'à cela ne tienne, 02 85 10 000, vous jouez avec nous au standard, là, juste après les news. Fun Radio, le son Dance Floor. Le point sur l'actu de ce mercredi 28 septembre, Max Poulaouek pour les infos. Salut Maxime. Salut Bruno, bonjour à tous. Et la météo pour débuter ce mercredi, encore quelques nuages accompagnés d'un peu de pluie vers le nord de la France, mais très vite ça se dégagera et le soleil reviendra. Un soleil qui brillera déjà partout puisque la journée sera belle et agréable. Les températures en hausse, 12 à 17 degrés ce matin. Au plus chaud, prévoyez 18 à Dunkerque, 21 à Lille, 22 pour Aurillac, 23 à Reims, 24 degrés à Paris et Tarbes, jusqu'à 25 à Lyon et Bordeaux, 28 à Avignon. Shimon Peres est mort. L'ancien président israélien s'est éteint cette nuit à l'âge de 93 ans. Il avait été hospitalisé il y a 2 semaines à la suite d'un AVC. Prix Nobel de la paix en 1994. Il avait œuvré pour les accords d'Oslo afin de poser les premiers jalons d'une résolution du conflit israélo-palestinien. Le combat des employés d'un Conforama dans le Gard. Ils se mobilisent depuis plusieurs jours à Nîmes pour protester contre le licenciement de leur directeur le 19 septembre dernier pour insuffisance professionnelle. Les salariés ne comprennent pas cette décision car le magasin affiche une belle progression des ventes cette année. Les devoirs de vos enfants, ça vous stresse. En tout cas, un parent d'élève sur deux n'est pas serein pendant les exercices de ses enfants. Selon un sondage Ipsos ce matin pour le site de soutien scolaire Scula, en cause le manque de temps, de patience, voire de connaissances. Il quitte les bassins pour les gymnases. Florent Manaudou a décidé hier d'arrêter la natation. Le champion olympique se lance désormais dans le handball. Il s'est engagé avec l'équipe d'Aix-en-Provence en tant qu'amateur et jouera pour le moment avec l'équipe réserve. L'ex-nageur veut s'offrir une bulle d'air et prendre un plaisir différent. Et puis en football, la suite de la deuxième journée des phases de groupe de la Ligue des Champions. Ce soir, le PSG se déplacera en Bulgarie sur la pelouse de Ludo Goretz. Coup d'envoi 20h45 car les clubs français n'ont pas brillé. Lyon a perdu 1-0 sur la pelouse de Séville et Monaco a fait un but partout contre Leverkusen. 8h34, bon réveil avec Bruno dans la radio sur Fun. Wake up. On arrête la parlotte et on dépote. Vous êtes prêts? Ouais! 6h-9h on Fun Radio. Mercredi 28 septembre, 8h35, c'est Fun Radio, c'est Sib qui arrive. Ça fait partie des sons découverts par Fun Radio. Je le dis parce que c'est important. Major Lazer avec Justin Bieber, Cold Water, c'est prévu dans la demi-heure. Et puis si on a le temps, promis juré, là, avant 9h. Félix Jane, je sais que vous adorez son Bonfire, découvert chez nous. Mais pour l'instant, on joue. L'essentiel est de ne pas paniquer. Le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes. Je sens que je vais faire un carton à ce jeu. Sur Fun Radio. Thomas est stéphanois, il a 25 ans, il est étudiant en médecine. Applaudissements pour Thomas. Salut mon Thomas, étudiant en médecine, quelle année, combien d'années? T'es à quoi, 4e, 5e? Je suis à 4e. Ah, il t'en reste plus que 27, c'est ça. Oui, c'est ça, à peu près. Thomas, tu joues ce matin face à Sandra, elle a 30 ans, elle est brestoise et elle est en train de faire du bricolage, visiblement. Tout en étant assistante maternelle, applaudissements pour Sandra. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Salut Sandra. Salut. Sandra, ça sent la nana. Enfin, la nana, je parle pas du fruit, hein, ça sent la nana, je parle de la meuf. Oh non. Qui a posé des jouets à une table devant les mômes en disant fermez vos gueules, 2 minutes, je suis en direct à la radio. Et après, je m'occupe de vous. On est sur ça ou pas? C'est exactement ça. Bien compris. Et là, ton angoisse, c'est que pendant le jeu, il y a un gamin qui commence à se renverser un truc sur lui et qui pleure et que tu puisses pas te concentrer. Non, ils ont de quoi s'occuper, ça va. Ouais. Ça va. Dis-leur qu'ils peuvent gagner à Disney. Enfin non, toi t'iras et eux resteront avec les parents. À un moment, ça va. Bon, Thomas, Sandra, ravi de vous accueillir ici. Vous connaissez le principe du jeu des 30 secondes. Vous allez choisir quelqu'un de l'équipe qui, en 30 secondes, va tenter de vous faire découvrir un maximum de mots pour vous envoyer à Disneyland Paris. Vous allez partir fêter Halloween. Vous serez logé, nourri pendant 2 jours. Vous aurez l'accès aux 2 parcs et c'est pour 4 personnes, ces 2 parcs, vous pourrez y accéder en illimité en dormant au Sequoia Lodge Hotel. D'accord ? C'est canon. Alors, le principe du jeu des 30 secondes, c'est qu'il y a un champion, et pour l'instant, le champion en titre avec une victoire, celle d'hier, c'est ma gueule. Donc ça veut dire que je suis obligé de jouer. Maintenant, lequel de vous deux va vouloir jouer avec moi ? Moi, je suis chaud pour jouer avec toi, Bruno, je suis trop chaud. J'ai envie de toi, Bruno, c'est chelou. Non, faut que je joue avec moi, il a dit. Thomas, on joue ensemble. Donc Sandra, du coup, faut que tu choisisses quelqu'un de l'équipe. Bah, avec Elliot. Je joue avec Elliot, qui va te battre, bien sûr. Merci, merci Sandra. Je compte sur toi, Elliot. Hein. Tu bats Bruno. Ouais, c'est un beau match, c'est un beau match qui s'annonce. En fait, c'est un peu le Toulouse-PSG, tu vois ce que je veux dire? Un miracle peut arriver. Toulouse peut gagner. Et Elliot, pour une fois, t'es Toulouse là, dans ce match. Moi, supporter de Marseille, tu veux me foutre la casquette de Paris Saint-Germain? Mais t'es fou? Pardon, excuse-moi. Qui commence, Christina? Tu demandes. Elliot, vas-y. Elliot, c'est toi qui commence. Allez, t'es chaude, Sandra? Oui. Je suis concentrée, là, je t'écoute. Y a pas de souci. Okay. Non, mais il parlait pas du jeu. Ouais, ouais. Hein. Alors, t'es en quelle tenue? T'es habillé comment? Sandra! Sandra, tiens-toi prête. Il ne connaît pas la liste de mots, on lui met au lancement du chrono devant les yeux, d'accord ? Ok, je suis prête. Top chrono, c'est parti. Allez, à la fin d'un restaurant, tu peux laisser du... Du pourboire, okay. De l'argent. C'est un chanteur qui est toujours pieds nus, il est aussi tennisman, c'est... Yannick Noah. Ok, ton frère, ta sœur, ça fait partie de la... Famille. Ok, tu t'essuies les pieds sur un... Paillasson. Ok, quand tu renverses quelque chose sur ton t-shirt, il a une... Une tâche. Ok. Après le collège, tu peux aller. Il y a des amphithéâtres. Au lycée. Oh, non, plus haut. À la fac. Non. Il y a des salles, des amphithéâtres, des profs. Université. Une université. C'est pas mal, Elliot. Super. On va voir, ça peut 5. Être cool. Sandra, t'as assuré. Ouais. Putain, bravo. Sandra. Merci, Elliot aussi. Il y a pas que moi, il y a Elliot aussi. Merci, ouais. Sandra, il y a toi aussi. Thomas, arrête les compliments. Thomas, t'as vu? Ça a des. On va tout cartonner, Bruno. Ouais, je nous le souhaite, mon pote. T'es prêt? T'es prêt ou pas? Bah, ouais, je suis prêt. Top chrono, c'est parti. Ah, quand on pose une question à un enfant, on dit je vais te poser une. Interrogation. Non, il faut qu'il trouve la réponse, mais c'est rigolo en général. C'est une petite. Ouais, très bien. L'eau, elle peut quand il y a du blanc dans l'eau, c'est du comme de la craie, c'est du. Du dépôt. Du gaz, non, c'est un dépôt dans l'eau. C'est sa tâche. Ah, calcaire, calcaire. Très bien. Une poule au, c'est un plat. Ou alors. Au non, ça peut être au feu. Une poule au pot. Ouais, très bien. On fait du. C'est un. Du cheval. Ouais. Et je vais te raconter. Oh, oui putain, Sandra. Merci Thomas, Elliot. Je suis désolé, calcaire c'était pas facile. Putain. Et en plus, le dernier mot, comme quoi il y a des mots cons, mais c'était truc. Va faire deviner truc. Ah ouais. Un machin, ouais, peut-être. Ouais. Bravo Elliot. Ah, merci. Ah, bah, merci. Et surtout bravo Sandra, ça s'applaudit. Merci, super. Merci Elliot et merci à tous l'équipe. Merci Bruno et t'as bien joué aussi, ouais. Tu vas aller vivre Halloween à Disneyland, d'accord, au parc Disneyland, l'Halloween terrifiant. Tu vas profiter des attractions à sensations fortes et rejoindre Maléfique et sa bande de méchants Disney, d'accord ma chérie? Super, mes enfants vont être très heureux, merci beaucoup. Oh bah dis, tu vas pas pleurer Sandra, hein. on est non, des bonhommes. Non, hein. Ça fait non mais merci, super. On te fait des bisous ma chérie. Merci, gros bisous. Bisous. Merci. Thomas, on va t'offrir la compile Bruno dans la radio. Je vous embrasse. Salut. Bonne journée. Salut. Ciao, ciao. Et là, t'as des auditeurs qui se disent merde, quelqu'un va devoir choisir Elliot demain, du coup. Non, t'as bien joué, franchement. Ouais, après, je trouve que tes mots étaient un peu plus faciles que les miens. Mais pas de polémique. Pas de polémique. Je m'appelle pas Vaché. Voici Sib. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for

dans la radio. C'est plaisant de vous voir sourire. Bruno. C'est Fun Radio, mercredi 28 septembre. Major Lazer, Cold Water. Des fois, je me dis qu'il faudrait qu'on enregistre ce qui se passe pendant les pubs pour le rediffuser à l'antenne, que non. Le CSA nous interdise et qu'on change tous de métier. Grâce à Elliot. Major Lazer, Cold Water ou encore Felix Jen, c'est ce qui arrive sur Fun. Rebonjour Karine Albi. Salut, salut. Karine, 30 ans. Tu fais quoi dans la vie? 34, s'il te plaît. Je suis mère au foyer. Je sais pas, moi, il y a écrit 30 ans sur ta fiche. Voilà. Ah ouais, et là, regarde. Là, il y a Luzman, Luzman qui balance son casque. Il discute. Voilà. Luzman, il est en train de se dire, mais putain, mais il s'énerve tout seul. Regardez, regardez sa tête. Il vient de prendre son casque. Il l'a acheté en disant adieu, monde de merde. Qu'est-ce qui se passe, Luzman? 34. Luzman, c'est quoi le problème de ta vie? Explique-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Ma vie est un problème. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que t'as marqué 30 ans sur ma fiche et elle en a 34. Mais je bosse beaucoup et je fais que de la merde, j'en ai marre. Mais c'est pour ça que tu fais partie de cette équipe. Ouais. Alors, là, nous, on fait de la radio, peut-être essayer de faire un vrai travail pour savoir ce que ça veut dire. C'est le résumé de cette équipe. Vous êtes choisis pour ça, vous bossez tous beaucoup, mais on fait tous de la merde. T'aimes ça, la merde? Il me plaît bien, Luzman. Il me rajeunit, c'est super. Ah, et voilà. Tu veux pas le prendre chez toi pour les vacances de Noël? Justement, on savait pas quoi en faire. Bon. Karine, tu fais quoi dans la vie? Alors, je suis mère au foyer. D'accord, très bien. Karine, il paraît que tu es une super maman. Ouais, on va dire ça. Luzman nous a dit même justicière. C'est que Luzman, il nous vend des sujets. Moi, je les découvre à l'antenne, d'accord. Et donc, on sait pas. Moi, tu vois, par exemple, au départ, super maman, je dis ah oui, et il me dit non, mais attention, c'est une justicière. Donc là, justicière, c'est pas anodin. Là, tu vois. Ah ouais. Nous, on est sur du Zorro, quoi, tu vois. C'est ça. C'est du lourd là. Hein. Attention, hein. Luzman, il peut te dire, par exemple, je connais un gars, il a sauvé la vie de son fils. Tu dis ah ouais, qu'est-ce que c'est tout? Et tu parles avec le papa en question qui dit bah en fait, mon fils était enrhumé, je lui ai donné un mouchoir. Voilà. Donc, voilà. En fait, Luzman, s'est rendu compte qu'il nous faisait un peu les titres, tu sais, de France Dimanche. Ouais, oui, si Paris. Ouais, tu sais les titres de oh, une horrible maladie pour Michel Sardou. Et en fait, tu te rends compte qu'il a un panari, quoi. Ou le site de Morandini, tu vois, gros malaise sur le plateau de France 2 où il y a juste un mec qui hausse les sourcils. Le site de Morandini, genre scandale international de la radio. Et après, tu vas te taper des mômes. Alors bon, Karine, la question que je te pose, c'est quel est donc ton super pouvoir, s'il te plaît? Alors, je vous explique. Mon fils, ça fait quelques semaines qu'il s'est volé son goûter. Oh là là. Il avoue, voilà. Oh là là. Donc, oh là à l'école. Là. Ouais. Sujet grave. La maîtresse, elle ne bouge pas. Il a beau lui dire, ouais, mais non, maman, tu me mets jamais de goûter. Je dis, attends, je te mets un chocolat, je te mets des brioches et tout. C'est pas possible. Le soir, tu reviens, t'as faim. C'est pas normal. Et tu sais pas qui c'est qui te le vole ton goûter? Non, maman, je sais pas. Je t'ai prévenu la maîtresse. Oui, mais elle ne fait rien, maman. Je dis, ben t'inquiète, je m'en charge. La grosse blague que j'ai faite, que ma mère m'a faite déjà d'ailleurs, c'est que j'ai fait une brioche au chocolat, du gros Nutella, mais vraiment bien, bien, bien, beaucoup Nutella, parce que ça attire les enfants. Ouais. Et la petite surprise. Ouais, j'ai l'impression d'avoir des conseils d'un pervers. Alors, tu mets du gros Nutella sur une brioche. Ça attire les enfants, alors sous l'imperméable, tu mets pas de slip. Viens là, mais gamin. Tu le laisses fermer pour l'instant. Mais calme. Ouais. Et après, tu te positionnes. Tu te positionnes à la sortie de l'école avec tes brioches au Nutella. Et à un moment, les enfants sortent. Et là, tu chantes. Libéré, délivré, ça attire les enfants aussi. J'adore cette chanson. Et donc, Karine. Et la petite surprise sur le gâteau, la petite cerise sur le gâteau, c'est que j'ai rajouté du piment pour le voleur. Ça, c'est une belle idée. Et pour une fois, on n'a pas chouré le goûter de ton fils. Et non, il l'a pas touché parce que c'était fait de mes mains. Donc voilà, j'ai compris que le petit voleur, il avait la fine bouche quand même parce qu'il aime bien les Kinder Bueno. Ouais. Mais c'était qui alors à la finalité? T'as trouvé qui c'était ou pas? On ne sait pas encore. Aujourd'hui, on ne sait pas encore qui c'est. Ouais. Donc, Super Maman a encore joué de ses tours hier soir parce que le goûter est revenu sans être touché. Ouais. Alors, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai préparé le Kinder Bueno au piment avec une seringue. Ah ben ouais, comme ma mère. Mais non, c'était pareil. Moi, ma sœur, elle se faisait bouffer ses boules de chewing-gum à la pastèque et elle a pris une seringue. Alors, déjà, je ne sais pas comment on peut avoir des seringues à domicile, faudrait que tu me dises, ça m'a fait flipper. Et elle a mis du colorant vert à l'intérieur de la pastèque chewing gum. Et donc t'as un gamin qui s'est retrouvé avec la langue toute verte et on a pu trouver le coupable. En fait, quand on devient parent, on devient taré, on est d'accord. C'est ça. Karine. Ouais. Tout va bien se passer, ma chérie. On t'embrasse en tout cas. Oui, t'es pointu quand même. On te fait et si t'as des news sur le voleur de déjeuner, tu nous tiens au courant, hein, vraiment. Il y a pas de souci. On fera avec l'ouverture du flash dès le début de l'émission. Et puis tous les pervers te remercient effectivement de cette petite astuce. Le Nutella attire les enfants. surtout calme-toi parce que je sens que dans une semaine, j'ai mis de la mort au rat. J'ai toujours pas trouvé. Tu vas voir, mais il va crever. Elliot, je voudrais vite revenir sur un truc rapidement. Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été normaux un jour dans ta famille? Non, pas. Je veux dire, les chewing-gums à la pastèque, ouais. Qui les achetait, mis à part les parents d'Eliott? Ah, j'avoue. Hein. Les boules pastèques, là, si, c'est pas mal. Ça. C'est pas mal. Allez, bah, c'est Major Lazer et Justin Bieber. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. Du matin, il y a le top 3 d'Eliott qui est en train de se préparer. Pour l'instant, le dernier JPI. Le JPI sur Fun Radio. Journal pour une image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et pour commencer, l'info qui ne sera pas développée dans ce JPI, le magazine Closer de cette semaine sera disponible chez le médecin dans 7 ans. Football, ce soir, victoire impérative pour le PSG qui joue en Ligue des Champions contre le petit club de Ludogorets en Bulgarie. En gros, pour vous donner une idée, le budget de Ludogorets, c'est le prix du sapin désodorisant dans la voiture de Ben Arfa. Oh, un AVC, appelez les pompiers, je me sens pas bien du tout. Reconversion, Florent Manodou décide de mettre la natation de côté et de se lancer dans le handball. Et s'il décide de mettre le handball de côté, qu'il se lance dans moi, hein, je suis dispo. Ah, la classe. 92, ça va, ça va, toi. Non, mais je suis de mauvaise humeur aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est quoi, je l'ai senti je depuis 6 heures. J'ai envie de vous mettre des baffes à tous. Ouais. Alors, laissez-moi faire mon JPI. D'accord. Et foutez-moi la paix. On y va. 92% de la population mondiale respire un air trop pollué. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony.

9h03, c'est Fun Radio que vous écoutez. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, c'est le 28 septembre. Bonjour. Bonjour. Et une nouvelle fois cette semaine, Fun Radio va créer l'événement. Puisque vendredi matin, pour la première fois depuis l'invention de la radio, nous allons faire une opération qui n'a jamais été tentée. Nous allons animer cette émission en direct de Cestas, à côté de Bordeaux. Le lieu, les entrepôts du site de e-commerce Cdiscount, le numéro 1 du e-commerce en France. Nos alliés, vous ! Nous avons sélectionné des auditeurs de Fun Radio qui vont nous accompagner. Vendredi, on sera en direct, on sera en public et 5 auditeurs qui ont joué avec nous auront le droit pendant une minute d'aller prendre ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent, dans les entrepôts Cdiscount. La quantité, le prix, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, mais ils n'auront qu'une seule et unique minute. Combien de choses vont-ils ramener ? Réponse vendredi matin. Et il y aura des images, ce sera filmé, on sera en direct bien vidéo. Bien sûr. Oui. Comme ça, si vous êtes des vrais voleurs, vous verrez comment se dépose ces discounts, les caméras de surveillance, les signaux d'alarme, etc. Quoi, vraiment. Et quand est-ce qu'on brise ce tabou de cette... Oh là là, alors attendez, oui. Excusez-moi. Tu sais quoi ? Pose tout ça ici, oui, Elliot, bien, voilà, oui. Pose là. Oui. Voilà, crache un coup, voilà. Alors, très bien. Alors, le début de la phrase, c'était « Quand poster qui est tabou ?» Voilà, alors je vais essayer de le remettre hop, dans l'ordre. Peut-être que c'était « Quand est-ce qu'on parle ?» De nous, la phrase. Non, c'est pas ça. Je m'en souviens plus, mais il y avait le mot tabou. Ah, quand est-ce qu'on brise ce tabou? Ouais, voilà, ah, ok. Quand est-ce qu'on brise ce tabou? D'accord. Quand est-ce qu'on brise ce tabou? D'accord. Ouais. Voilà. Maintenant, faut que je continue ma phrase. Ouais, c'est mieux parce que sinon on attend. Ouais. Du nom de ville, du nom de cette ville, Cestas. Il est ridicule quand même. Quoi? Non, mais en fait, il y a beaucoup de villes qui se terminent en as d'ailleurs dans la région. Cestas, c'est pas ridicule, Cestas. Bon, j'ai bossé c'est juste pas à côté. Plus ridicule que Levallois-Perret. Oui, exactement. Moi, j'ai bossé à côté. T'as Gradignan, enfin, qui est pas très loin. T'as Bordeaux. Merci, Elliot. Mais, non, mais vous indignez pas comme si t'étais là-bas. Non. Attention, on peut rigoler de tout. Tu vois, on peut rigoler de la guerre. Ouais. On peut rigoler des personnes handicapées. Mais on ne rigole pas des noms de villes. Voilà. Wikipédia. On a du respect ici. Cestas Wikipédia. Merci, Elliot, qui au-delà de nous mettre le vocabulaire et la langue française ado tous les matins, nous met la ville de Cestas. Combien d'habitants à Cestas? Alors, il ne marque pas combien d'habitants il y a. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est en Gironde. Oui, ça, on sait. Bonjour, Vacher, en attendant, je comble. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, et vous? Oui, ça va bien. Moi, vous savez, ça me fait mal au cœur hein, quand on parle comme ça de la Gironde. Je peux comprendre, je peux comprendre. Mais moi aussi. Mais après, vous savez, c'est un chien fou, Elliot. Je ne gère pas complètement. Quand même. Combien? Je sais que ça fait 600 hectares. Ah, ouais, c'est bien ça. Sur les hectares, on est premier déjà. Ouais, c'est ça. Mais sur le nombre d'habitants. Bah, ils mettent pas. Oh. Mais si, Christina, c'est, bah non. C'est pas servir de est-ce qu'on peut trouver la mairie de Cestas, s'il vous plaît, qu'on appelle en direct? Ah, 165 habitants au kilomètre carré. C'est au-dessus, 16 438 habitants. C'est pas possible, celle-là. J'ai juste dit que leur nom de ville était rigolo. Appelez-moi la mairie de Cestas. Appelez-moi le directeur. J'ai pas dit que les gens à Cestas étaient des fions. J'ai dit que la mairie, le nom s'il de la ville plaît, était rigolo. S'il te plaît, a fait beaucoup de mal à cette ville. Mais n'importe quoi. Tu vois, 16 936 habitants. Est-ce qu'on peut, appeler la mairie de Cestas? Déjà, eh ben Elliot, tu vas donner tes excuses. Mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. Moi, je trouve que c'est la moindre des choses. Comme ça, on le fait à la mairie et c'est au nom de tous les habitants de Cestas. Comment on appelle les habitants de Cestas? Les Cestasiens? Les habitants du nom qui a une ville moche. Ah, on appelle. Non, l'inverse, pardon. Très bien. Très bien. Les habitants. Enfonce-toi. Elliot. Mairie de Cestas, bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Pourrais-je avoir le maire ou le premier adjoint, peut-être, je vous prie? Quel est l'objet de votre appel, monsieur? Écoutez, vous êtes en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France. Et en fait, nous allons faire une émission en direct de Cestas vendredi. Et nous aimerions en savoir un peu plus sur la ville. Et je vous avoue qu'Eliott, qui est un des personnages de mon émission, moi je m'appelle Bruno Guillon, a eu, je trouve, des mots un peu durs contre Cestas. Et donc, on aimerait qu'on nous dise ce qu'il y a de joli à Cestas. Parce que moi, je suis persuadé que et les habitants et la ville sont magnifiques. D'accord. Je vais donc vous passer, monsieur Ducoute, n'étant pas en mairie dans les médias, le secrétariat de Pierre Ducoute, afin qu'on puisse vous proposer un horaire. Eh bien, très bien. Écoutez, très bien. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Musique d'attente. Déjà, la musique d'attente de Cestas, elle est bien. Ça sature un peu, non? Un peu. Qu'on soit clair, j'ai juste dit que le nom de la ville était moche. Attention. Oui, enfin, j'ai l'impression que ça y est, tu ravales tes abattis. Utilise des mots français, toi. Ah. Allô? Mais... Allô? Oui. Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Bruno Guillon, téléphone. Oui. Je suis animateur un petit peu à la télé, de temps en temps, puis animateur de radio. Là, on est en direct sur Fun Radio. Oui. Voilà, et je m'excuse de vous déranger. J'ai un personnage dans mon équipe qui s'appelle Elliot. Voilà, qui n'a pas été très gentil avec Sestas il y a quelques secondes. Et on voulait savoir touristiquement, moi je disais que Sestas c'était une ville magnifique, qu'est-ce qu'on peut voir à Sestas? Écoutez, je ne peux pas répondre à votre question. Il faudrait que vous ayez donc j'ai la personne que je pourrais vous passer éventuellement. Ah oui, on a le temps. N'est pas en mairie. Non, franchement, je. Mais vous, vous habitez, vous êtes une cestacienne vous-même? Non, du tout. Tu vois, d'accord. Voilà. Mais s'il y a un truc à voir à Sestas, c'est quoi? Écoutez, L'église Saint-André, par exemple, elle est jolie, non? Bien sûr, oui. Non, mais écoutez, c'est une jolie ville, mais vous bon, y croyez pas. Faut y passer. D'accord. Qu'est-ce que vous en venez? Je vous sens pas très parce que là, je suis gênée parce que vous me posez des questions, je suis tout à fait surprise, puis j'ai pas l'habitude, donc. C'est normal. Je suis désolé. Bon, voilà. En tout cas, écoutez, c'était pour avoir quelques informations. On va le faire pour vous parce que nous, on aime déjà cette ville. On vous embrasse. Merci beaucoup. Belle journée. Au revoir. C'est le nom. La dame de l'accueil avait l'air un peu plus calée quand même. Bon, essayons de faire une chanson sur Sestas en improvisation. Allez, il faut des rimes en race. Ah bon? Oui, allez hop. À Sestas, à Sestas, on dit que c'est par là que tout se passe. À Sestas, le maire est gentil, à l'inverse de notre ville, régnée par des connasses. À Sestas, à Sestas, toutes les filles sont classe, y a pas de grognasses. Et même celles qui sont payantes, c'est 50 euros la passe. C'est comme ça que ça se passe à Sestas. C'est pas cher, c'est plaisir. C'est Sestas, ton meilleur souvenir. Wouh! Allez, hop. Bravo. Nickel. Allez, je pense qu'on a rattrapé la bourde d'Eliott. Allez, top 3. Ne vous inquiétez pas, vous ne risquez rien. Le top 3 d'Eliott. Top, gracias mucho. À Sestas, c'est ouais, tous suffit. Des feignasses. Merci, ça suffit, Eliott. Arrête, Eliott. Numéro 3. On déconne, si les gens n'ont plus d'humour. Numéro 3, on a parlé des cadeaux qui nous ont le plus marqué quand on était petit. C'est grâce à Émilie qui a posé une question ce matin à Mika pour savoir ce que sa fille avait eu pour ses 3 ans. On a parlé de tous ses cadeaux de jeunesse. Et il y a quelqu'un qui nous a parlé d'un Action Man qu'on connaissait pas trop. Écoutez. Moi j'avais 7-8 ans, c'était l'Action Man avec son vélo. Ah, l'Action... Avec son vélo? C'est lequel celui-là? Non, sur Action Man. Vélo? Moi, Action Man, je l'ai connu avec des chars d'assaut, avec des jeeps, avec des hélicoptères qui lançaient des grenades. Mais le Action Man à vélo, il était un peu... il était gay man hein, quand même. Ah, c'est ça, t'avais des Action Man hors série, Action Man à vélo, Action Man et son salon d'esthéticienne. Action Man et poussette. Action Man et son kit de manucure. Allez, Action Man, fais-toi belle pour ce soir. C'est ma mission, je mettrai la plus belle des jupes. Action Man et sa paire de Louboutins. Attention Action Man, peut trébucher. Mais c'est pas facile de marcher avec des talons, salope. Il y a un conflit en Syrie, mais qui on peut appeler? Action Man. Est-ce que t'as le Action Man avec l'hélicoptère? Non, je l'ai pas, t'as lequel? J'ai le Action Man qui fait de la cuisine. Action Man, pour moi, une omelette norvégienne. C'est vous êtes bête. Je sais. Mais tu sais quoi, maintenant j'y repense. Moi, ouais. C'est là où je me dis que je suis beaucoup plus vieux que vous. Puisque moi, quand j'étais petit, c'était pas un Action Man, c'était un Big Jim. Big Jim, c'était son nom? C'était Big Jim. Et oui, si toi aussi tu as plus de 45 ans, eh bien, représente Big Jim. C'était en bois, non, à l'époque? Non, il était en plastique. Ah mais bon, je crois qu'ils ont arrêté de le faire parce qu'il avait violé la Barbie de ma sœur. Je me souviens. C'est une histoire, vraiment. Oui, c'est vrai. Ah, oui. Numéro 2. Big Jim et son bracelet électronique. Qu'est-ce que t'as fait, Big Jim? Surtout que Big Jim, c'était vraiment par rapport à son prénom parce que quand tu lui baissais le falzard, il n'y avait rien du tout. Ah oui. Ouais, rien. Faut le savoir. Numéro 2. Quand tu lui baissais le falzard. J'avais pas entendu ça. C'est un mot d'avant-guerre. Ouais, c'était mon papy qui me le disait souvent. On passe à table. Bon, j'ai une théorie ce matin, je l'ai exposée à l'équipe. Bon. Allez, vas-y. J'ai ma théorie. Pour moi, je sais si quelqu'un est vraiment beau s'il connaît la suite de En voiture Simone. Voilà. En voiture Simone, c'est toi qui conduis, c'est moi qui klaxonne. Et du coup, tu nous as dit qu'on n'était pas des vrais beaufs. Ça vous a vexé. Ça nous a énervé. Ah, pourtant, on est des faux beaufs. Ouais, moi, je suis un vrai beauf. Retire tout de suite ce que t'as dit. Moi, je veux être un vrai beauf. Eh ben, fallait connaître la suite. Qui a un tatouage tribal dans le bas du dos? Okay, d'accord. Hey, arrête. Hein. C'est qui a des chaussures de foot accrochées au pare-brise? C'est qui a une queue de renard? Hein, voilà. Une queue de renard accrochée au rétroviseur. D'accord. Intérieur de sa bagnole. C'est qui a un klaxon qui fait ça? Oh là là, c'est reparti. C'est qui est fan de Vincent Lagaffe? C'est moi, frère. C'est vous. Qui s'est imité Bill du Big Deal? Ouais, bonjour mon ami Vincent. C'est qui a pété à ta bière? c'est moi, je crois. Je crois c'est moi. Et en plus, ça pue, frère. C'est bon, moi, je suis mort. Je m'incline, pardon. Alors, c'est qui a une casquette Picard? Je l'ai eu chez Picard, la casquette. Gratos. C'est qui la porte tous les étés? On joue à la pétanque. C'est toi ou c'est moi? C'est moi. 1-0. Je retire ce que j'ai dit. Alors, on est des vrais beaux, Fouba? C'est des vrais beaux. Merci. C'est trop bon. Allez, numéro 1. Numéro 1. Et chaque mercredi, il y a des enfants qui viennent répondre à des questions en laissant un petit message sur notre répondeur. La question du jour, c'est si tu pouvais être dans la peau d'une personne célèbre, ça serait qui et pourquoi? Et on a eu le petit Lenny. Lenny, il avait un problème, c'est qu'il a enlevé tous les R dans son message. Réécoutez. Salut Bruno, salut la famille, c'est Lenny. Moi, si je devais être une célébrité, je serais Pogba parce qu'il est beau, il est riche et que c'est un bon footballeur. Salut. Salut Bruno, si je devais être une célébrité, ouais, c'est Pogba parce qu'il est ish, c'est un bon footballeur. Mais c'est le créole haïtien là. Ah d'accord, ok. Ah ouais, bien sûr. Alors du coup, j'ai coupé parce qu'après, vous vous doutez bien que Vaché et Bruno ont voulu faire les animateurs sans mettre de R. Ouais, c'est pas facile. Et voilà, donc j'ai fait une petite ellipse, comme on dit en cours de français. Ok. Et je vous ai sélectionné un petit passage une minute après, réécoutons. Bonjour, c'est Bruno dans la radio. Pas à quitte, tout de suite sur Fun Radio et je paye. AP? Et AP, tu vas? AP, je paye de la facture. Ah ouais. Tu payes quoi comme facture? Je sais pas. C'est un tirage au sang. C'est ça. C'est un tirage au sang. Oui, c'est un tirage au sang. C'est un tirage au sang. C'est un tirage au sang, bien sûr. Tu comprends pas ou quoi? Tu bien comprends sûr, pas? Bien sûr. Mais oui. Je suis un connard. C'est clair. Bien joué. Non, mais ça c'est va. Pas facile du tout. Ah en non, fait. Bah non. Vous savez quoi, elle va être dure cette saison. Ouais, ouais, vraiment, c'est pas cette émission, c'est pas ce mois de septembre, non, c'est cette saison va être compliquée. Va être... Le Châtelain. 9h midi sur Fun Radio. Sans les R. Gloire au Châtelain. Gloire au Châtelain. Bonjour la famille. Bonjour Mika. Comment ça va? Ça va bien, et toi? Eh ben ça va très très bien. Non, bah non, mais non. Ça va t'es bien. Ça va t'es nul, bien. T'es bien. Je viens d'arriver, ok? Ah. Ouais, qu'est-ce que tu as PV pour ce matin? Alors j'ai PV le double fun, ok? Ah, t'es bien? Alors, ah, voilà, attends. Y a quoi à gagner dans le double fun? Alors, j'offre... Ah, mais non. Attends. Non mais je m'entraîne deux secondes. Alors, j'offre transport, hôtel, invitation, direction... Direction quoi? Direction Las Vegas. Ouais. Pour le show de DJ Snake. Voilà. Allez, maintenant, cours, Forrest, cours. Voilà. Las Vegas en Amérique. Tout à fait. C'est trop fort. Voilà. C'est trop fort. Trop fort. Il c'est suffit fort. De m'appeler au 3228. Bon, allez, vous remontez dans le camion maintenant. Au 3228. Ah, allez, c'est chaud, je suis pas bon. On sera là demain dès 6h sur Fun Radio. Ciao, ciao. Bisous la famille. Bisous. Voici Sound of Legend.